But now we come to a period that I call the battle for identity. Bonsoir, bonjour, bonsoir. Radio Stoub, saison 17, épisode 9, le bilan. Une équipe restreinte, encore une fois, budget serré. Pas simple, mais de qualité. Que des joueurs de moins de 21 ans. Mmh. Allez, on va commencer dans le sens d'une aiguille d'une montre, puisque c'est un peu le thème de la soirée. Seb Calcio. Travelers are rude, such attitudes, but when I show my peace. Complaints cease, some things odd. Feel like I'm God, you stupid, dumb shit, goddamn motherfucker! Bonsoir, Blourg, bonsoir. Donc tu es là, tu as un quiz comme d'habitude. J'ai un quiz, je suis là. Et des infos acutées. Et des infos. Des premières mains. De première main. Vous l'avez reconnu, ça devient un habitué de l'émission. Alex, monsieur du foot. Monsieur Fou de Foot, ouais. Là pour vous servir. Pour vous servir. Eh bien écoute, avec le plaisir de te re-recevoir. Bah, je suis très content d'être là. Eh bien ça tombe bien, hein. Nous on est tous contents d'être là. Il est content d'être là, il adore le Neudorf. Et ouais. Il adore se re-resservir de la bière. Ouais. C'est Roulian. Yeah! Ha! So look at here! Check the flavor of the rhythm I wrote! And while I get a chance here, let me clear my throat! Ha! I hope they don't mind. Let me clear my throat. I need these monitors right here. Music in the monitors. And it's gonna look something like this here. Bonsoir tout le monde. Roulian, malgré les rumeurs qui t'annoncent disparu ou mort hein, sur Twitter. Ouais. J'ai mis un signé sur Twitter sur ce tweet, je le garde précieusement. il me paraît que je n'existe plus, que j'ai disparu. Mm-hmm. Et pourtant je suis toujours là. Voilà. Et c'était mieux quand t'étais là. Ouais. Ah ouais. Je suis ressuscité. Et pourtant, ce n'est pas Pâques. Nous enregistrons à un moment donné très important. Nous sommes à la fin de la saison, avant le début de la saison prochaine. On est en plein milieu de la Coupe du Monde des clubs. Tout le monde se régale, bien sûr, tout le monde regarde. Monsieur Fou de Foot, il adore ça. Il a regardé tout. Il est à fond. Et bien, vous savez quoi, nous n'allons pas du tout en parler ce soir, parce que ce n'est pas le sujet. Mais si nos frères de Chelsea, ils sont... Les frérots. Les frérots, tu rates pas un match des frérots. Quand même. Non, quand même pas. Nos grands frères. Pour lesquels on a de l'amour. Voilà. Avec nos joueurs, Chérine, comme Mamadou Sarr, André Santos. On est quatre autour de la table. On a oublié de présenter notre MC, notre guide, notre phare, celui qui nous éclaire dans la nuit sombre et obscure. Notre DJ. Monsieur Giga. Assez d'auto-congratulation. Jamais assez. C'est vrai. Ah, c'est la trêve. C'est la trêve. Et ben d'ailleurs, pour la trêve, qu'est-ce qu'on fait généralement quand on n'envoie pas des tweets pourris pour annoncer un match amical qu'on sait même pas contre qui on joue. Non, ça c'est bon. Ah, c'est aussi le Rhinois, c'est Electric Church White IPA de Sainte-Crue. c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ce qui est bon aussi, c'est la saison du Racing, la saison 2024-2025, la deuxième saison de l'Herbucco, peut-être même seulement la première, car la première a été galvaudée, puisqu'on a fait jouer un entraîneur qui n'était pas au niveau, évidemment, qui n'a pas compris le projet. Champion du monde, c'est quoi ce niveau de... 13 galvaudés. Et quand même sur la shortlist de l'Inter de Milan, hein, des vice-champions d'Europe, hein, cet été. Et mais c'est... Enfin... Pardon. On en parlera, c'est n'importe quoi le foot en ce moment. De fou, c'est fou. Attends, c'est qui ? C'est Inzaghi qui a annoncé que son rêve c'était d'entraîner genre le FC Mektoub là, ou je sais même pas comment. Ah, 26 millions par an, hein. Ah, c'est rêvé quand même. Bah oui, c'est rêvé. C'est même ton club de cœur. Hein. À ce prix-là, c'est ton club de cœur. Donc, on va commencer donc un bilan un petit peu en trois temps. Ça s'en va, ça revient. Un air populaire. On va peut-être se concentrer d'abord sur le sportif. Et là, j'ai envie, écoutez-moi. Cette saison est-elle un échec ou pas un échec ? Il y a des gens sur le Stoop qui sont fielleux et vils et veulent, et peut-être même d'autres adjectifs moyenâgeux que j'ai oubliés, qui ont dit que la saison était un échec. Quel est, alors j'aimerais votre avis, aussi un petit avis argumenté. On peut parler plaisir aussi un moment, mais pour le plaisir, ça on va laisser Herbert Lenard à la fin. Mais là, rest in peace Herbert. Herbert, si tu nous regardes. Tu nous entends. Mais au niveau sportif, est-ce que vous êtes satisfait ? Est-ce que vous pensez que le boss est satisfait ? Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne saison, mais évidemment, j'imagine comme beaucoup de gens un peu frustrés sur ça s'est fini un petit peu en eau de boudin, parce que sur le résultat pur, 7e, c'est bien, mais pas top. C'est bien, mais pas top, 7e. On a dû attendre la victoire du PSG en Coupe de France pour attraper un strapontin pour la Coupe d'Europe, parce que c'est bien ce que c'est, là. C'est un match de barrage en Conference League. Donc c'est vraiment... en fait, on peut pas viser plus petit... Enfin, pour l'accès Coupe d'Europe, il n'y a pas plus petit que le barrage de Conference League. Il n'y a pas plus petit. Alors qu'on avait tout pour bien faire sur les deux derniers matchs. On prenait un point et c'était réglé, quoi. I wait well. C'est ça. C'est une équipe qui finit donc, mal. Un peu frustrant, ouais, ça finit un peu... on a l'impression qu'il y avait plus d'essence dans le moteur. Non, il y a une forme d'habitude maintenant. Les matchs se finissent mal, la saison se finit mal. On finit quand même deuxième des matchs de 60 minutes. C'est pas, c'est quand pas même mal, un truc assez intéressant. Ça, c'est un bon résultat, ça. Voilà. Ça, tu veux changer le foot. Ouais, faut changer le foot en fait. C'est pas la Racing qui est décevant, c'est les règles. Et donc, en effet, ça finit un peu en eau de boudin, voire plus qu'un peu, parce qu'on a quand même beaucoup espéré. Ouais, une Coupe d'Europe un peu plus prestigieuse et de pas aller lucrative. Oui, mais l'argent n'est plus un problème. Mais oui, c'est vrai, l'argent n'est plus un problème. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle en disant que genre c'est le bal de fin d'année, il reste deux danses, il y a les 10 plus les meufs les plus bonnes que ta copine. Ouais, on va pas faire ça. Et genre tu finis avec ton pote Rémi parce que en fait tu t'es chié à la fin de la soirée alors que t'étais en lice, quoi. Genre là le mec, tu t'es vu, genre tu as cru et là genre t'arrives, en fait tu rentres à la maison avec Rémi, hein, ou Marc. Ouais. Et genre tu vas jouer à la PlayStation ou autre chose. On sait pas. Disons, moi, le truc, c'est même pas la coupe. Mais on va même pas jouer contre Bâle, c'est bien ça la difficulté. Ouais, si encore tu jouais contre Bâle, je suis ok, mais toi, les autres. C'est même pas tant le fait de jouer la conférence, machin, c'est le fait de. Non, ces trucs. Voilà, c'est de récupérer vraiment le strapontin. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, c'est une place qui, normalement, il n'y avait pas de place pour les Français là-dessus. C'est par le biais du règlement que, du coup, le 7e récupère quelque chose. Et du coup, c'est même pas une Coupe d'Europe directe. C'est juste, moi, une Coupe d'Europe directe, on serait allé direct en Conference League. Je t'aurais dit, la saison, elle est réussie. Là, t'es obligé de passer par un vieux barrage. On va jouer contre, on sait pas qui, tirage au sort le 4 août de mémoire. Ouais. Pour savoir nos deux adversaires potentiels. Potentiels qui vont se rencontrer d'abord dans la première quinzaine du mois d'août. Et en fait, c'est surtout cette partie-là, moi, qui me gêne d'être vraiment pris sur un strapontin, en fait, où c'est la simili Coupe d'Europe. Notre dernier passage de notre match européen, ça s'est terminé en août. Hein. Mm. Ça s'est fracassé sur l'Eintracht Francfort. Et l'année dernière, on l'a fondamentalement. Est-ce que jouer les matchs de barrage ou même pire, les tours préliminaires, est-ce que c'est jouer la Coupe d'Europe? Vous avez 4 heures. On est en période de bac, vous avez 4 heures. Bah, disons qu'on a 3 tours préliminaires comme on avait il y a 4-5 ans. C'est un peu différent 5, quand même. 6. C'est un petit peu différent. Et après, l'ADN du Racing est toujours là quand même. Un point contre les ogres qui étaient ou que sont Angers et Le Havre. Ouais. C'était dur. Bah, c'était dur et on l'a fait. Ouais. Franchement, c'est vrai qu'il faut laisser aux joueurs d'avoir réussi cet exploit en fin de saison. De sauver Angers et Le Havre. Et Le Havre. Et envoyer Reims en barrage. Du coup, Reims a été barragiste une minute hein, dans toute la saison. Quand même. Ah, est-ce que vous pensez que c'est possible que, genre, vu que les boss, ils sont américains, ils aient préparé, tu sais, un tour de draft. C'est-à-dire, tu laisses la draft, tu laisses la descente à Angers et à... Tiens, tu sauves Angers et Le Havre de la descente, et l'année prochaine, ils te filent des points pour être drafté plus haut, tu vois, pour avoir les meilleurs joueurs. On parle du complot, là. Ouais. Pas un complot. C'est un plan à plusieurs années. Tu vois, nous, on est peut-être obtus. On regarde bêtement le résultat de l'année, du match, sur 90 minutes. Regarde le bel escalier. Enfin, regardez le haut de l'escalier, c'est ça. Disons, tu pars quand même d'un match. Tu vois, t'as une victoire sur le PSG. Il te reste deux matchs. Ouais. C'est Angers et Le Havre. Est-ce que tu vois... Alors, PSG, c'était un PSG bis, hein, on s'entend. Hein. Mais tu vois ces matchs-là, même le match avant le PSG, je sais plus ce que c'était. Enfin, il y avait vraiment... Et là, tu vois les deux matchs à Angers. Et là, tu te dis, ouais, il y a quand même un truc. C'est quand même tellement gros, quoi. C'est... Tu t'alignes plus de passes. Oui. Sur chaque attaque adverse, tu prends un but. Parce que c'est de ça qu'on parle. Alors qu'on était longtemps, là, on va dire, entre janvier et avril... Ça se masturbait sur les réseaux parce qu'on avait la meilleure défense des 5 premiers grands championnats d'Europe et tout ça. Là, la moindre attaque de Angers, on se faisait dessus. La moindre attaque du Havre, on s'est fait dessus. Et on a pris des buts. On a pris 3 buts à domicile contre le Havre. Disons qu'on s'est quand même fait dessus pas mal la dernière demi-heure contre le Havre. Hein. C'était... Mais je pense qu'on paye un peu la politique Blouko. Hein. C'est-à-dire, voilà. D'une part, il n'y a pas de banc. Mmh. Ça, c'est une réalité, hein, puisque les 2-3 joueurs qu'on avait ont été prêtés. Et deuxièmement, ben ça manque quand même d'expérience. Hein. On avait 9 joueurs prêtés, je ne sais même pas comment c'est possible. Ouais, mais la dernière demi-heure contre le Havre, ça manquait d'un mec qui mette le pied sur le ballon. Manga puis... Ah non, merde, les joueurs. De laine ? Non, je déconne. Mais est-ce que, en tant qu'avocat du diable de Marc Keller, je dirais, est-ce que c'est pas la fougue de cette jeunesse qui nous a permis d'arriver aussi loin ? Et effectivement, est-ce que le sortilège s'est pas rompu peut-être après cette victoire contre le PSG, ouais, un petit peu tiré par les cheveux? Peut-être qu'il faudrait pas que de la fougue, c'est aussi ça. Est-ce que une équipe, ça doit être que de la fougue ou que du sérieux? Non, bah c'est un habile mélange de tout et c'est toujours la même chose. Est-ce que vous connaissez des équipes qui ont vraiment réussi en n'ayant que des gamins? Bah il y en a pas. Ouais, même les équipes qui ont toujours été formées sur cette idée d'avoir beaucoup de jeunes, il y avait toujours des vieux briscards. La JOCR, hein, Giroud, il voulait toujours un vieux briscard, un Fabien Coll au Serrois, plus un mec qu'il fallait remettre en route, un Laurent Blanc, je ne sais qui. Alors là, on a une question Mitel. Super. De Faco 68. Ah bon, je note. Faco 68, FACO 68. Qu'on embrasse. Plus j'y pense, plus les deux dernières défaites me paraissent louches, dit-il. A-t-on volontairement lâché, pas les joueurs, peut-être le staff, sûrement le board. Ah. Si je n'avais pas vu de mes yeux les mines déconfites de Keller & Co. juste après le match, j'y croirais presque. Je suis devenu complotiste, au secours. Alors, ne t'inquiète pas, ce n'est pas sale. Je pense au plat. Ce n'est pas sale. Mais alors, on peut très bien penser que Marc Keller n'était pas au courant du complot. C'est une théorie qui circule dans les milieux autorisés. Il n'était pas au courant, quoi. Il n'était pas au courant du complot. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de complot pour rater les deux dernières marches. C'est dans l'ADN. C'est dans l'ADN du Racing. C'est même cher, dans... si cher à Marc Keller. Ouais, voilà. Ouais. C'est même dans l'ADN du foot, en fait. Ouais. Alors du coup, il y a encore des questions toujours en rapport avec ces matchs-là. Il y a beaucoup de questions. Aux îles. On a eu beaucoup de questions. C'est Rokoras, R-A-U-K-O-R-A-S, qui dit « Fut-elle une bonne saison cette saison ? Point d'interrogation. En tant qu'amoureux du club, fallait-il que nous eussions été contents de ce classement ou que nous en lamentations ?» C'est du subjonctif. C'est une preuve de grammaire. Et hein, imparfait du subjonctif aussi. Oui, il est fort. Mais c'est le cas en début comme de quoi saison. C'est la DAS. C'est la DAS. Vas-y. Début de saison, finir 7ème, je pense qu'on aurait tous signé pour. Quand il y avait des craintes. Ah, il y avait des craintes quand même. La saison d'avant était une mauvaise saison, c'est ça. Sportivement parlant. Et on se dit, putain, on enlève encore les 2-3 rares mecs d'expérience et on remet du jeune dans la machine. Voilà. Ben ça va être pire. Parce que moi, le premier, je l'ai dit sur cette antenne. Ouais, oui. Moi, le premier, ouais, mais tout à fait. Moi, je connais des gens qui ne sont pas abonnés parce qu'ils pensaient que la saison allait être catastrophique. je ne donnerai pas de nom. Mais il y a eu une. Des, alors, c'est pas du tout massif, c'était anecdotique. Il y a des gens qui ont dit, ouais, non, c'était nul, genre, de voir des gamins, en tout cas, coachés par un aveugle, bon, c'est bon. Et finalement, c'est vrai que si on prend l'état d'esprit dans lequel on était en début de saison, c'est un succès. Si on prend le pognon investi et les attentes suscitées par cette séquence genre 2025, hein, on va dire, parce que 2024 a été quand même très moyen, c'est un échec. Et encore, avec 4 points, on était en barrage de Ligue des Champions quand même. Ouais. Enfin, au troisième tour. Mais on était en Ligue des Champions. L'échec est d'autant plus cuisant que tu touchais presque le soleil. Et vers la fin. Mais la vraie question de l'argent, elle est intéressante. Est-ce que finalement c'est une bonne saison? Le calcul plus simple, c'est de dire quel est le rapport entre le budget et le classement. Le budget. Alors le budget, ça veut rien dire parce que le budget, on nous dit qu'on a un budget de 60 millions d'euros, mais on a dépensé, on a perdu beaucoup plus quoi. Mais parce qu'on a dépensé 115 millions. On est le septième. Alors information l'équipe, on est le septième budget de France et on finit septième. Ça veut dire que il y a une forme de logique, mais ça veut dire que le projet jeune, il n'a pas plus fonctionné que ça, puisque t'es pas mieux classé que ce que voudrait ton budget. Mais... Et ça veut dire aussi que finalement, notre budget, il n'est pas aussi... Hein, on n'est pas devenu le gros que certains pensent. Si, parce qu'en fait, on a dépensé beaucoup plus que ce qu'on a rentré. Donc en fait, le budget, il a beau être ce qu'il était prévu. On a eu combien de 100 millions de dettes cette année. A priori, on est sur un déficit d'exploitation. Hein, je cite à tort. Qui me souffle dans l'oreillette que on est sur 115 millions de déficit. C'est-à-dire qu'on a dépensé 115 millions de plus que ce qu'on a gagné. Mmh. Donc par rapport au budget initial, on doit être très au-dessus de ce qui était prévu. Alors, en termes de dépenses. Je suis nul en comptable, mais je sais pas si ça va se régulariser. Est-ce que c'est par rapport parce que le budget qu'on donne au début d'année n'a rien à voir avec là. Mmh. Forcément, là, on a quand même dépensé. On l'a vu en janvier où ça a remis des pièces dans la machine. Barco. Les deux mecs avec des noms imprononçables qui viennent de Première Ligue. Donc ça fait trois joueurs qui émargent avec plus cher que ce que gagnait l'équipe l'année d'avant. Et puis entre-temps, on a entendu donc à la fin du championnat une rumeur. Pour l'instant, c'est l'équipe qui l'a annoncé, ça n'a pas été officialisé. Comme quoi notre joueur vedette Emiga allait à peu près doubler son salaire pour la saison prochaine. Et que du coup, il était devenu intransférable. D'ailleurs, au passage, effectivement, il n'y a pas trop de rumeurs le concernant qui circulent par rapport à ça. Mais du coup, là, l'équipe annonce un salaire mensuel à 270 000 euros brut, ce qui en ferait et de très très loin le plus gros salaire du club, et peut-être même sûrement le plus gros salaire au club de tous les temps, quoi. 270 000 euros brut par mois, quoi. On a quand même vendu ça. Nos auditeurs apprécieront. Après, on a bien le salaire de Chilabert, qui comprenait aussi les tickets resto, qui est à peu près la même chose en tickets resto. Ouais. On s'en est dans ces eaux-là. Bien. Non, ben, effectivement, genre, je vais essayer de dire son nom. Homo Mani Dembélé. Homo Dembélé. Aubameyang. Aubameyang Dembélé. Bon, notre Irlandais. Le mec vient de Première Ligue. Oui, genre, depuis quand quel club en Ligue 1 peut offrir des salaires de Première Ligue? Genre, personne. Le PSG. Le PSG. Mais genre, même Lyon n'offre plus des salaires de Première Ligue. Et on est hors cadre. Genre, j'aime bien ça. On est Charlton, mais avec le budget du Havre. Et avec Marc Keller. En parlant de ce joueur irlandais, on a notre plus fidèle auditeur. Ah. Nico XX, I am Ross 3 from 1, CX. Je crois savoir ce que CX veut dire, mais je ne peux pas en parler ici à l'antenne devant tout le monde. Il nous pose une question. CX. Parce que, évidemment, CX, c'est Peggy 18. L'Irlandais aurait signé avec un salaire plus bas. Est-ce que c'est possible en France? Bah, évidemment. Nous interpelle-t-il? Je vois pas pourquoi le mec signerait avec un salaire plus bas. Pour l'amour du maillot. Genre, le mec, c'est pas une burne. Pour l'amour de Rosignol. Il a beau être irlandais. Alors, à moins que Homo Badi et Dembélé aient gagné à l'euro-million, que ça soit lui l'Irlandais. T'as remarqué que notre auditeur n'a pas osé écrire son nom non plus sur la question, parce que lui-même n'arrive pas à l'écrire. Je pense que l'ailier de 17 ans, c'est encore plus difficile à prononcer, je ne m'y risquerai pas. Ayana Makawa. Après, si dans la balance, il y a eu ces 5 ou 10 minutes contre le Havre, c'est plutôt bien payé qu'il ait diminué un tout petit peu son salaire. Hein. Tu parles de la dernière action du dernier match où on sauve le Havre et on rate la qualification directe en Coupe d'Europe. Et où on se prend quand même, une Panenka à la 90 plus 9, c'est quand même, c'est historique. Hein. C'est différent du 90 plus 4. C'est différent du 90 plus 4. Il y aura peut-être un bar inauguré en tribune visiteur. Hein, mais avec la bière sans alcool. Voilà. Mais non, alors bah, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Moi, c'est très rare que le joueur baisse leur salaire. Bon, alors, il y avait à l'époque les jurisprudences Gilbert. Oui. Qui avait été prêté au Racing et qui était revenu après moult tractations quand même à Strasbourg pour moi. Donc est-ce que Moussa bah, il a un passif de blessure. Bah, peut-être qu'il s'est dit que finalement il était bien en Strasbourg, qu'il n'avait pas envie de redéménager. Bah, c'est toujours pareil. T'as vendu Sarr à Chelsea. Si tu vends Doucouré. Il te faut un minimum de mecs quand même pour démarrer la saison en défense centrale. A priori, il faut 11 joueurs. Ça 11 amène... joueurs, et si tu pouvais avoir, on va dire, deux défenseurs centraux, ça serait pas trop, quoi. Juste pour démarrer le match, quoi. Puis c'est un joueur qui a peu joué, hein, en Angleterre, qui a quand même pas fait 6 mois à Strasbourg. Alors, j'ai été étonné quand j'ai appris son âge dans le journal, donc il était jeune. Je me doutais qu'il était jeune, parce qu'il fait partie de la stratégie. Mais il a 22 ans. Ouais. 22 ans, moi aussi. Mais, mais il est tout le temps blessé. À 22 ans. C'est pas rassurant. Hein. C'est voilà. Pas... tu m'aurais dit qu'il avait 32 ans, déjà j'y aurais cru vu sa tronche, mais et qu'il est tout le temps blessé parce qu'il a eu 10 ans au haut niveau avec des infiltrations, des machins et tout, des trucs où les genoux le lâchent. Ok, mais en fait c'est pas le cas. Il a 22 ans, il est en début de carrière et il est tout le temps sur la touche. Quoi. C'est dommage. Ok, donc j'avais un jeu de mots qu'on avait oublié de mettre en introduction, que bah, rendons à César ce qui est à Roulian. Est-ce que vous diriez que cette saison était échec et marque? Ah, est-ce que c'était... Pas mal bah, bravo. Bravo. Alors, sportivement, bizarrement, moi je veux dire que c'est pas une saison d'échec, quoi. Tu peux pas dire que c'est une saison d'échec. T'es qualifié sur un strapontin de Coupe d'Europe, mais c'est quand même... À ma connaissance, depuis très très très très très longtemps, la dernière qualification par le biais du championnat en Coupe d'Europe. D'accord, ça reste septième, c'est pas la sixième place de Stéphane. Mais je contrebalance, donc le résultat brut, il est un peu moins bien, mais il y a quand même plus de points et il y a surtout globalement le jeu proposé, nonobstant les deux derniers matchs qui étaient à chier, le mois de novembre qui était à chier, c'était globalement un peu plus intéressant, ça jouait quand même bien au foot. Donc tu peux pas dire, à mon sens, que c'est une saison d'échec. Oui, mais le Racing, il a changé. Est-ce qu'on peut regarder le Racing aujourd'hui avec les yeux d'avant? Non. À quoi ça sert de vendre le Racing à des nouveaux et d'avoir de l'ambition si c'est pour reprendre les mêmes critères qu'avant et dire, bah voilà, bah septième par rapport à avant, c'est quand même mieux? Bah non. Alors, il faut regarder le Racing avec les yeux d'aujourd'hui. Les Chelsea Google. Et même quand Marc Keller, le jour de la vente, il explique encore la semaine dernière à l'After Foot, il explique qu'il a vendu parce qu'il y avait un plafond de verre et que le Racing ne pouvait pas faire mieux qu'entre la 8e et la 12e place. Aujourd'hui, on est 7e. Je suis vraiment désolé, mais c'est la même division. Donc, à ce titre, moi, je considère qu'on peut pas dire que la saison, elle est réussie. Est-ce qu'elle est ratée? Sans doute pas, mais est-ce qu'elle est réussie? Non. À mes yeux, elle est pas réussie, mais c'est pas un échec. C'est décevant. C'est décevant, mais c'est une amélioration. C'est quelque chose entre moyenne et c'est décevant. Globalement, c'est une amélioration par rapport à la première saison de Blue, on va le dire. Oui, bah, 13e, heureusement, merci. C'est une amélioration. On verra l'année prochaine. Cacheteau. Non, c'est pas une saison loupée, hein. Pour moi, c'est une saison plutôt réussie. Septième, mais encore une fois, parce qu'en début de saison, moi, je craignais aussi qu'on puisse descendre, hein. Moi aussi. Vu l'équipe qu'on avait. Après, c'est sûr que vu les investissements et ce qui a été mis, finir au-delà de la septième place, ça aurait été quand même difficilement cette fois. Est-ce que, alors bon, moi, forcément, c'est un échec, hein, je l'ai rabâché partout. J'en remets pas 115 millions pour jouer le tour préliminaire du barrage de la Conference League. Ou alors, on est vraiment con. Je pense que ce qu'avait très bien senti le boss, Bédad, c'est que cette année, que le foot français est un petit peu entre deux plaques tectoniques qui se frottent. Mmh. Cette année, on avait quand même ce que j'appelle un petit peu la débandade des petits gros. Je vais m'expliquer. Lyon, c'est n'importe quoi. Nice, c'était une saison où ils ont été plombés par la multipropriété puisqu'ils étaient en aveugle, genre a priori complètement laissés à l'abandon, limite, y avait personne. Lens a drastiquement revu tous ses investissements à la baisse. Lille et Monaco se sont avérés moyens. Marseille a finalement bien fini, mais c'était pas génial. Il y avait que Paris. Donc effectivement, c'était une année où il y avait une place pour boxer en haut. Et finalement, on est quand même derrière. Donc pour moi, l'échec, il est là. Le boss a senti qu'il fallait taper fort. Mais finalement, on finit quand même derrière tout le monde. Donc c'est un échec. Le but c'était de passer devant les Lens, Lyon et encore Nice qui étaient faibles et de mettre l'argent pour leur passer devant. On n'a pas réussi. Échec. Le problème c'est que tu boxes avec des mecs qui ont jamais boxé en fait. Ah. Et finalement c'est probablement ce qui nous coûte parce que outre les deux derniers matchs il y a le match contre Nice hein, quand même avec cette égalisation à la 95e qui fait très mal et qui finalement donc tous ces points là finalement coûtent très cher dans la lutte. On oublie aussi la défaite à Rennes. Je suis bien placé pour le savoir parce que j'étais juste dans l'angle du but, mais genre on perd un point voire plus parce que genre Emilia a trois fois l'occasion de mettre Rennes à terre qui était vraiment inférieur au Racing ce jour-là. Après, paradoxalement, on a gagné plein de matchs. Et on a des matchs. Je pense qu'on n'est pas pas meilleur que l'adversaire. Je pense le déplacement à Reims, je pense le déplacement à Auxerre, je pense la réception de Saint-Etienne. C'est des matchs où s'il y a un match nul à la fin, c'est pas volé, quoi. Hein. Donc peut-être que ça compense aussi avec les quelques, enfin la fin de saison et puis les matchs qu'on gagne pas. Hop là. Alors j'enchaîne parce que c'est vrai qu'on est quand même timé. Je vais faire un petit aparté. Bilan plaisir. Herbert Léonard, on va en parler tout de suite. Est-ce que vous vous êtes fait plaisir à la Mino cette saison? Ne répondez pas tous en même temps. Je pense que oui, ça c'est incontestable. Voilà, c'est une équipe qui est sympathique, avec un jeu qui était plein d'allant. Évidemment, c'était très séduisant. Le Racing a fait beaucoup de jaloux. Ça fait aussi plaisir à certains. Et puis, par rapport à d'autres années où on s'ennuie à la Mino et ailleurs, là, on s'est pas du tout ennuyé. Donc voilà, ça gagne, ça perd, ça court. Ça joue, ça se désespère ou pas, mais au moins, il se passe des choses. Et il y a une volonté d'aller vers l'avant. C'est les fameux droits au but. Est-ce que c'est le même. Tu parles du terrain, ou tu parles en tribune, ou tu parles des deux. Non, de manière générale, est-ce que c'est le plaisir. Les tribunes, on va en parler tout de suite après, c'est une bonne. Sur le terrain, c'était sympa à regarder, même s'il y avait aussi des matchs poussifs, mais c'est sûr que ça change de Vieira, clairement. Après, en tribune, avec tout ça, je pense que c'était différent, mais on en parle après. Moi, j'ai un sentiment plus mitigé, dans le sens où. Ok, sur le terrain, ça jouait mieux, je l'ai dit tout à l'heure, ça jouait mieux au foot. Mais j'ai du mal à regarder cette équipe en occultant complètement la manière dont elle a été fabriquée et quel est l'objectif final qui est derrière. Donc oui, si je prends de manière brute, et voilà, cette équipe a mieux joué au football, mais j'ai du mal quand même à m'enthousiasmer sur les résultats quand je sais voilà, comment elle a été montée, avec l'argent, avec la volonté de Blouko de mettre des joueurs en Racing, de les faire... progresser à Strasbourg pour les réenvoyer ailleurs. On l'a bien vu, les premiers mouvements du mercato sont très clairs. Les meilleurs joueurs de l'année dernière sont remontés à Chelsea, c'est normal, ils étaient prêtés et évidemment ils ont progressé, ils ont profité de leur prêt au Racing, ce qui est suffisamment rare pour être signalé que des prêts sont vraiment c'est vrai. Profitables pour les joueurs. Win-win. Et notre défenseur central acheté il y a 10 mois et déjà a déjà signé avec Chelsea. Donc j'ai eu du mal si tu veux à ça a gâché ton plaisir. Ça a gâché mon plaisir, tu vois, c'est comme quand tu manges un super plat, il y a un très bon cuistot qui te l'a fait et tout, mais quand tu sais d'où viennent les matières premières, comment les trucs ont été faits, qui détient le resto, machin et tout, t'as quand même du mal à t'enthousiasmer pour je le voir exactement ce que tu veux dire. Est-ce que tu te poses la question de savoir si l'objectif sportif est l'objectif principal? C'est la réussite sportive est l'objectif principal. C'est une question qu'on sait, enfin, non, que moi je me pose pas vraiment, je pense que non, mais voilà. Non, mais si je te la pose, quelle est ta réponse? Non, pas du tout. Genre, au Racing, le sportif n'est pas l'objectif principal, ça me paraît évident. D'ailleurs, de manière. C'est ce qui rend compliqué. Ni à Chelsea, d'ailleurs, hein, le sportif est au minima un moyen d'atteindre l'objectif principal qui est de gagner de l'argent. Les mecs, comme le disait Strotim dans plusieurs émissions, les mecs ne s'en sont jamais cachés, ils n'ont jamais fait semblant de dire qu'ils aimaient le club. Egbali a pu dire qu'il prenait lui aussi du plaisir à venir voir les matchs à la Méno parce que c'est sympa. Mais ils ont racheté Strasbourg. Ben, Blueco a été créé pour gagner de l'argent. Chelsea comme Strasbourg sont des moyens de gagner de l'argent. Il y en a un qui est un moyen principal, il y en a un autre qui est un moyen un petit peu annexe qui sert les trucs. Donc voilà. On est là pour faire du business de l'argent. Si on gagne, si on perd, c'est sûr qu'on fera, ça va pas marcher. Donc le but c'est quand même de gagner, mais je pense qu'ils s'en branlent complètement. Donc voilà. Donc au niveau du plaisir, on est sur du mitigé, mais quand même mieux que Vieira. Je pense que là on est tous d'accord. Franchement, c'est vrai que moi cette année je n'ai pas quitté le stade avant la fin du match, contrairement à beaucoup de personnes contre le Havre, hein, bien sûr. Mais la saison dernière avec Vieira, c'est vrai que j'ai eu plusieurs moments d'énervement où je ne suis pas revenu en tribune en deuxième mi-temps devant le jeu proposé. L'indigence du jeu. Voilà. Ce qui nous amène, tu l'avais introduit tout à l'heure, au bilan des tribunes, hein, ça, on est obligé de passer par là. Ce débat a enflammé le Shtoub et les réseaux sociaux. C'est un petit peu le Iran-Israël de la Méno, j'ai envie de dire. Le dôme de fer contre les gardiens de la Révolution. Enfin, on va dire que les UB90 sont-ils les gardiens de la Révolution, sont-ils le dôme de fer, on ne sait pas encore. Le tout dans une nouvelle tribune ouest, hein, quand même. Voilà. Puisque cette année, l'inauguration de la tribune ouest. Et on pourrait faire un bilan de cette nouvelle tribune ouest. Moi, j'ai un avis, mais j'ai envie d'entendre le vôtre, car c'est mon métier. Tribune Ouest qui n'a pas fini sa mutation, parce que si on regarde les réseaux dans cette intersaison, la Tribune Ouest s'est parée de magnifiques sièges de récupération de la Nord, de l'Est et de la Sud, qui ont été installés en Tribune Ouest là pendant cette intersaison au moment où on enregistre. Parce que le Racing n'est pas sûr que pour la Coupe d'Europe, il ne faut pas mettre des sièges, mais il faut en mettre, alors que la Coupe d'Europe, c'est très clairement prononcé sur le fait qu'on peut avoir des tribunes debout, notamment c'est le cas en Allemagne. Il y a une dérogation qui est encore valable cette saison. Qui est encore valable, donc il n'y a pas, absolument pas besoin, mais on a quand même mis payé une entreprise pour installer 5000 sièges de récup, hein, qui sont absolument dégueulasses, qui sont absolument pas les mêmes de ceux du quart de virage sud-ouest. Je vous invite à regarder sur les réseaux, il y a les nouveaux sièges qui ont été installés dans le quart de virage. Après, sud-ouest. Il faut bien occuper Bélarouge pendant les vacances. Oui. Okay. Donc la tribune n'est pas totalement encore transformée dans sa version définitive. La tribune en tant que telle, moi j'ai rien de particulier à dire. C'est ce à quoi on s'attendait, si ce n'est qu'on a la fosse et que la fosse fait que ça dénature quand même un petit peu l'accès aux joueurs, l'accès au terrain. C'était pas vraiment ce qui était prévu. C'est pas du tout ce qui était vendu. Voilà, c'était pas du tout ce qui était vendu. Ouais. Après, du mal à chanter hein, dans les bouts des deux tribunes. Sauf pendant le premier quart d'heure. Je trouve que ça chante bien pendant le premier quart d'heure. Mais moins, hein, ça s'estompe aussi avec le temps. Ah, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui soutiennent cette grève. Ah, tu penses, Raal? C'est sûr. Quoi d'autre? Mais effectivement, cette grande tribune... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été placés dans cette tribune ouest, un peu parce qu'il n'y a plus de populaire, parce que une autre tribune est en travaux. Et c'est pas forcément des gens qui étaient destinés à finir dans une tribune ouest. Dans une tribune populaire, festive, ouais, voilà. Les gars. Et revendicative. On en connaît, voilà. Et donc du coup, il y a l'architecture de la tribune, ça c'est une chose. Bon voilà, il y a rien de particulier dans les animations, le fait la sono aussi, fallait faire quelques réglages en début de saison pour trouver, on va dire, le bon réglage pour que la tribune participe pour les personnes ouais. qui veulent participer. Et à côté de ça, après il y a l'attitude effectivement en tribune où il y a eu la grève pendant l'intégralité de la saison. Un quart d'heure de silence pendant l'intégralité de la saison. Voilà. Avec des gens qui ont compris et qui participent, des gens qui ont compris qui participent pas, des gens qui n'ont pas compris et qui du coup ne participent pas et ont même le côté très revendicatif et on fait, on va dire, une attitude où ils ont montré leur mécontentement par rapport au silence. Sachant que les ultras n'ont jamais interdit à quiconque de chanter. Avec des attitudes un peu différentes, c'est-à-dire des gens qui vraiment sifflaient, enfin vraiment une attitude un peu négative, et d'autres gens plutôt en fin de saison qui ont essayé de mettre un peu l'ambiance en quart de virage nord-ouest, qui ont essayé de mettre l'ambiance en tribune est aussi, de dire ouais, on vient combler le quart d'heure de silence en 2022. Donc c'est déjà un petit peu plus positif puisque c'est les gens qui comblaient ce quart d'heure de silence qui après relaissaient la main, on va dire, au groupe moteur de la tribune ouest. Et qui venaient continuer à participer, quoi. Eux, leur propos, c'était, on voulait 90 minutes d'ambiance. Alors que la plupart des gens qui revendiquaient, ils râlaient pendant le premier quart d'heure et ils s'arrêtaient dans la foulée, quoi. Et comme l'a dit Marc Keller à l'after, on a droit de chanter et on a aussi droit de pas chanter. Mais c'est vrai que c'est intéressant, tout ça, mais à la vérité, la fin de saison a quand même montré quelque chose. C'est qu'on nous a beaucoup expliqué que cette grève, elle était toxique pour les résultats sportifs, que nos joueurs étaient vraiment tristes et vraiment affectés. Et on a vu que les résultats, ils étaient meilleurs pendant la grève qu'à la fin du match, au hasard. Et qu'à la fin de la saison, entre Mega qui est dans le COP et les joueurs qui font une standing ovation pour le COP, ils n'en voulaient pas tellement à la grève, sans parler des nombreux remerciements sincères sur les ou pas sur les réseaux sociaux, mais qui ont eu au moins le mérite d'exister. Et on nous avait aussi dit que finalement il y aurait une coupure entre les joueurs et le COP, que les joueurs ne regarderaient même plus le COP, que c'était la mort du petit cheval. C'était la fin. Le petit cheval va très bien, il vous embrasse. Voilà. Non, je pense juste raté quelques qualifs en Coupe d'Europe, mais ah oui, mais c'est un petit cheval. Je pense qu'aucun joueur a été traumatisé par un quart d'heure de silence. Heureusement, parce qu'autrement, on va au-devant de grandes difficultés. S'ils ne supportent pas le silence, qu'est-ce qui va arriver quand ils vont aller en Turquie, en Grèce ou ailleurs? Ouais. Donc voilà. Donc niveau tribune, effectivement, c'était, on va pas se cacher que c'était une saison un peu bizarre, ce quart d'heure de silence revendicatif, appelé grève, qui est un mot très fort, c'est vrai, qui en France toujours un petit peu choque la grève, contrairement à nos voisins allemands. Pardon. Mais sinon, on va dire que l'ambiance à la Méno, si on reste, elle a été moins bonne pendant les 75 minutes qui restaient que les autres saisons. Ouais. On est un petit peu sur un point bas, malgré les bons résultats. On a senti une Méno, des fois, en seconde mi-temps, un peu attentiste. Un petit peu, le résultat suit ou le résultat suit pas, mais un petit peu spectateur. J'ai rarement senti, quand même, la Méno pousser très très fort l'équipe cette saison. Il y a eu un peu, notamment sur la fin de saison où les gens fantasmaient sur la Ligue des Champions. Beaucoup s'y sont crus, la Ligue des Champions. Et donc, du coup, ça, sur certains matchs, notamment avec des gros résultats, il y a eu quelques belles poussées. Je dirais vraiment, effectivement, il y a eu quelques matchs, mais pas suffisamment pour que ce soit notable. Ouais, je pense aussi que le fait qu'une tribune soit en travaux joue. Tout à fait. Le stade est moins fermé, du coup. Après, cette année, il y a eu des ambiances à la fin des matchs. Les coursives. Hein. Voilà. Oui, alors ça c'est un peu la mode. C'est un peu nouveau, moi j'avais jamais vu ça. C'est ça. Alors ça, je pense. C'est le phénomène peut-être de la coursive qui se ferme. Oui, voilà. Probablement. Moi, c'est ce que j'appelle le phénomène de la Coupe du Monde 2001. D'accord. Je vous explique. Non, la Coupe de France, pardon. Vous visez là. Rappelez-vous, en 2001, le Racing est relégable, mais il joue la finale de la Coupe de France contre Amiens. Mm-hmm. Yvon Pouliquen, l'entraîneur du Racing. Je m'y rends avec quelques amis, genre du haut de mes 18 ans. Non, 20 ans, à peu près, quelque chose comme ça. Ouais, 14 ans. Et donc, avec le train spécial, et à un moment, on arrive au Stade de France, et là on entend une clameur énorme, une ambiance de folie, et du coup on se dit putain, genre ça va être les ultras qui sont quelque part, c'est la folie. En fait non, c'était juste sous le petit pont qui est devant le Stade de France. En fait ça résonne énormément, donc en fait il y avait que quelques mecs qui chantaient, mais ça donnait une impression énorme. Et effectivement c'est le syndrome du couvert qui donne une résonance qui finalement est entraînante, parce que quand ça résonne et que la musique est bonne, on a envie de chanter. Alors qu'effectivement, une trique, quand les coursives étaient ouvertes, le son partait un peu et ça n'entraînait pas tout le truc. Mais voilà, on va dire, c'est bien, parce qu'en plus, ça permet au club de vendre des bières. Ça permet encore de faire vivre la méno un petit peu plus longtemps après les matchs. C'est assez sympa. En contrepartie, c'est très très moche, la couverture de la tribune ouest, mais quand même. Oui, attends de voir. Tout le monde n'est pas aussi esthète que toi. Voilà, peut-être. Voilà. Donc, la saison prochaine, on a normalement la réouverture de la tribune sud. Si les orages et les inondations annoncées sur le Stoub des loges permettent de l'ouverture de cette partie-là de la tribune. Mais du coup, des travaux sur la tribune nord, puisque la est finalement a été traitée là dans l'intersaison, plutôt que prévu dans le plan. Donc, ça, c'est fait. Et donc, du coup, la Nord sera en travaux, et du coup, ça veut dire que les abonnés de la Nord, pendant 5 matchs, il faut qu'ils se débrouillent. Leur abonnement, ça sera pour le 6e match jusqu'au 17e. Donc, débrouille-toi avec toi, abonné de la Nord qui nous écoute. Le club a dit que tu te débrouilles pendant 5 matchs. Alors, ça, c'est un petit peu bizarre, peut-être. Enfin, moi, ça m'a un peu surpris. Ouais, ça m'a un peu surpris aussi. Un peu choqué, même, en fait. Hein. Ouais. C'est un abonnement un peu bizarre cette année, donc selon les gens. Donc, t'as des abonnements où t'as pas tous les matchs de championnat, mais t'as la Coupe de France dedans, mais pas la Coupe d'Europe. Donc, c'est un abonnement un peu à géométrie variable. Pour les autres, ça change pas grand chose. C'est un abonnement à la carte, mais pas ta carte à toi. Voilà, c'est ça. La carte, c'est 15 euros. Hein. Je sais pas si tu as regardé. La carte physique est passée de 10 euros à 15 euros. Oui. Elle a pris 5 euros. Ouais. J'imagine que le coût du plastique avec la guerre entre l'Iran et l'Israël a fait que le pétrole augmente. Et donc, du coup, le plastique qui est tiré du pétrole augmente. Donc, du coup, la carte prend 5 balles. 50% d'augmentation, voilà. Évidemment. Évidemment. Sachant que le tarif match Coupe d'Europe, Coupe de France, rien n'est moins sûr. Hein. Parce qu'à part un match de Coupe d'Europe en fin août, on ne sait pas le reste. Hein. Mais la Coupe d'Europe n'est pas inclus dans l'abonnement. Et d'ailleurs, c'est une question. On a une question par rapport à ça. Nous avons une question de Rika Lewis 67 himself, un de nos plus grands auditeurs, qui nous dit le message annonçant la campagne d'abonnement ne fait nullement état de matchs européens dans les abonnements. Les Allemands ne sont pas concernés par la Coupe d'Europe. Simple oubli, omission volontaire. Le Racing anticipe-t-il une défaite lors du barrage en Conférence League? Ah bah c'est sûr. Hein. Alors, réponse 2. Bah, l'ADN du club. Évidemment, l'ADN du club. Une défaite contre un club ouzbek en barrage. Après avoir gagné 3-0. Il sera peut-être pas ouzbek. Hein. Il sera peut-être moins ouzbek que ce qu'on pense. Et puis il faut quand même pas oublier que l'année dernière, Lens, ils se voyaient aussi qualifiés et qu'ils ont été renvoyés à leur coron. Alors qu'ils avaient un défenseur central ouzbek. Ils embrassent. Oui. Exactement. Ils ont très bien vendu. Défenseur central ouzbek qui a été recruté par Chelsea. Non, peut-être. Par un dirigeant de Lens qui vient de signer au Racing. Exactement. Il prend ses fonctions que le 15 juillet. Oui. Nous avons Calcio qui a une bonne réponse. Voilà. Un point de plus pour question, le quiz. Il y a une question. Moi, j'avais juste une question, mais on n'est pas obligé d'y répondre. Pour parler toujours de l'ambiance et des travaux. Alors, est-ce que on a, comme nous l'a dit notre grand président, le stade de demain et l'ambiance d'hier? Je vous laisse à cette réflexion. On a le stade d'après-demain. Ouais. Mais... et l'ambiance d'il y a très longtemps. Ouais. Donc du coup, voilà, on a Grégory Thiel qui va reprendre le poste de Loïc Désiré, mais que le 15 juillet. Non, ouais. Il a besoin de vacances. Bon, après... il était surmené. Il va y arriver. Non, mais c'est pas. Est-ce que c'est lui qui recrute? C'est ça la question. Parce que si tu recrutes pas et que c'est moins grave. Tu peux démarrer. C'est moins grave. C'est l'ancien titre de Boulogne qui était mouillé. C'est l'ancien Boulogne. Avec Blayoc, qui nous a fait très mal à l'époque. Voilà, et qui était à Lens. Et c'est lui qui a recruté le défenseur central ouzbek pour 2 balles et un karambar. Et qui l'a vendu à City. Ouais. À City. Pour 30 ou 40 millions, je sais pas quoi, un an après. Exactement. Donc, oui, mais ça, il pourra plus faire, parce que là, on lui a un peu expliqué que on n'était pas certain qu'on allait vraiment lire ses rapports. Faut pas déconner, on a autre chose à faire, on a une équipe, nous, Chelsea, et qu'il va devoir s'occuper principalement du marché français. Alors, justement, il y a une question de Truit 67. Ah, Truit 68, pardon. Oui, j'allais dire Truit 68. Excusez-moi. Ah. à nos amis Aurignan. Laissons les Aurignan. Oui, ils sont. Exactement. En laissant partir Loïc Désiré à Rennes, risque-t-on de le voir nous piquer certains jeunes talents pas assez internationaux pour être adoubés par Blouko? Ils disent par exemple que Risser est déjà en contact avec Rennes. Et alors là, la question du subsidiaire, c'est est-il capable de rappeler Idriss Saadi de sa retraite dorée d'un énième retour de Jean-Eu Daoulou? Il va loin. Bah, le retour de Jean-Eu Daoulou, c'est vrai qu'on en rêve tous. Ouais. On en rêve tous. Par contre, le départ de Risser, est-ce que à Rennes, a priori, il sera décisionnaire, ce qui n'était peut-être plus le cas dans les deux dernières saisons à Strasbourg? On dira moins. Pourquoi tu dis ça? Et ouais, non, coup, ça c'est pas gentil ça. Potentiellement, évidemment, tous les dossiers qu'il avait commencé à monter à Strasbourg et qu'on lui a peut-être opposé une fin de non-recevoir, il verra peut-être bien de les proposer à Rennes. C'est logique. Et est-ce qu'un départ de Risser serait une telle catastrophe? Est-ce que le Racing. Ça c'est autre chose. Croire en Risser. Disons qu'on n'a pas de gardien. Ça c'est vrai. À l'heure actuelle, on n'a pas de gardien. Ça veut dire Rennes, non, c'est quand même le numéro 3 français qui est passé numéro 3 français. Oui, mais il est de Lens. Ouais. Brice Samba, ouais. Mais il en a perdu un, c'est Mandanda qui est. Ouais, mais est-ce que Risser serait pas numéro 2 chez nous aussi? Enfin bref, c'est pas Range tout. C'est ce qu'on préfère. Je sais pas, pour les gens qui parlent de Risser, est-ce que vous avez vu les matchs amicaux l'année dernière? Ouais. Quand t'as vu les matchs amicaux l'année dernière. Tu sais que. Et quand t'as compris que, surtout que Blouko n'aime pas les erreurs de casting et se fait vite une idée d'un joueur. Voilà, et là il a eu, je crois, 3 ou 4 matchs amicaux, il a été catastrophique sur les 4 matchs amicaux. Mmh. C'est pour ça qu'ils l'ont prêté. Moi j'ai aucune idée préconçue sur le garçon, mais à un moment donné, s'il faut le faire jouer et quand le mec, on lui donne sa chance, il la saisit pas. C'est compliqué. Alors moi j'ai assisté à un match. De Ligue 2. Ouais. La Ligue 2. C'était Risser contre Camara. Ah. Un gros Camara. Ah, t'as fait les anciens. Hein. Voilà. C'est quoi, Red Star? Red Star contre 7. Voilà. Genre François Bérou ou Georges Brassens, c'est quasiment la même chose. Et Risser avait été très bon. Bigou aussi. Après, ça restait de la Ligue 2. Bingo Camara, qui on parle un petit peu des anciens, il me semble, si je dis pas de bêtises, je parle sous le contrôle de Calcio et de Monsieur Fou du Foot et de Roulian, a été élu dans les meilleurs gardiens de Ligue 2. Oh merde! Et je pense que Bingo Camara est vraiment un joueur de Ligue 2, qui est un excellent joueur de Ligue 2, mais qui n'a pas réussi à passer le cap de la Ligue 1, comme des Thierry Debesse ou des mecs comme ça. Il y a des gens qui prennent du rosé? C'est la vraie question. Moi, je pense que Risser est un bon gardien, mais je suis assez persuadé qu'au Racing, il n'y arrivera pas. Je pense qu'il doit effectivement partir pour grandir. Exactement. Et moi, je pense qu'il est trop jeune, en fait, et qu'il a besoin de jouer. Il a pas énormément joué, en fait. Pour Racing, en tout cas, pas du tout. Pour Racing, pas du tout. Mais... Très peu. Ou pas assez. Ou pas assez bien. Mais là, il a fait une saison. Il a fait un bon prêt en National à Dijon. Au Racing, il s'est un peu heurté au plafond de verre. Il a fait un bon prêt cette année au Red Star, dans une ambiance pas évidente, parce que le Red Star est quand même une équipe très très moyenne. Et donc, du coup, cette année, peut-être qu'il pourrait trouver en Ligue 1 un club qui lui permettrait de bien s'exprimer. Il serait beaucoup chassé, hein. Moi je suis assez étonné. Tous les 3 jours, il y a un nouveau club qui s'intéresserait à Risser. Ouais, il y a un très bon agent. On attend. Après, le problème, c'est que le fossé entre la Ligue 2 et la Ligue 1, il est assez énorme. Hein. Et quand tu as finalement peu joué. Là, il a fait 2 ans. Le Racing a quand même une ambition qui est autre que juste la Ligue 1. Et il doit remplacer un Petrovic qui a quand même été assez extraordinaire cette année. Et on serait pas 7e si on avait eu Risser dans les buts au hasard. Puis là, il est prêté en Ligue 2, mais sans manquer de respect au Red Star, une équipe qui joue le maintien en Ligue 2. Exactement. Hein, c'est-à-dire encore une équipe qui joue la montée et qui doit gagner tous les matchs, c'est peut-être encore différent. Oui, le Red Star, c'est quand même une équipe où la grande qualité, c'est les spectateurs. Tous les journalistes. Et le marketing. Tous les journalistes foot parisiens sont dans l'extérieur. Après, le parallèle avec Camara est pas déconnant. Hein. Non. C'est mon avis, c'est deux bons gardiens, mais la pression finalement et puis maturité. Il y a peu de gardiens qui arrivent comme Petrovic à se mettre tout de suite dans le bain en 3 matchs Et à sortir quasiment... Mais après, Petrovic, hein, il a déjà une belle expérience. Il est international serbe, ouais, il a joué aux États-Unis, il a quand même joué à Chelsea, mine de rien. C'est quand même un autre CV. Hein. Mais sa prestation a été... pour moi, c'est quand même la grosse satisfaction de la saison. Là, on pourrait faire un peu vite fait... on a fait le bilan tribune, on a fait le bilan un petit peu stade. Il reste le business, mais au niveau des joueurs... on pourrait faire un petit bilan comme ça, là, vite fait. Tranquillement. Tranquillement, exactement. Un top 3 Ouais, un petit top 3 des joueurs qui vous ont plu. Oh, c'est des mecs c'est plus vrai, surpris. C'est un vrai débat, parce que je pense qu'on peut en mettre. Il y a plein de choses à redire au niveau des joueurs. C'est vrai qu'on a rarement eu un tel foisonnement de joueurs de talent divers. Hein, pour moi, statistiquement, c'est les méga. Parce que sans les méga, je crois qu'on a gagné qu'un seul match. Je crois que c'était contre Nantes, hein, si je dis pas de bêtises, le match aller. On gagne 3-1, enfin quelque chose comme ça. Aucune idée. Après Petrovic, hein, c'est sûr, comment il fait une grosse saison. Et Santos aussi, moi je trouve. Voilà. Moi, je mettrais aussi Barco, il arrive et il est tout de suite très bon. Après, c'est le genre de joueur que moi j'adore. Mais j'ai vraiment été très impressionné par cette capacité à arriver et à être tout de suite très bon, à trouver les autres. Mais je précise que sur mon top 3, c'est dur pour Moreira, pour Doué, qui finalement... Doué, exactement. ...une saison... Qu'on a moins vu. Enfin, dont on parle moins à tort. Ouais. Hommage à tort. Voilà. Qui remplaçait quand même le frérot Gilbert. Oui. Wow, hein, pression, tout ça. C'est vrai qu'on a très vite oublié les joueurs qu'on a achetés comme des vieilles merdes en début de saison. Souvent en disant que, bah oui, forcément, vu qu'on gagne, on avait bien raison de licencier Paul et machin qui servaient à rien dans l'entreprise. Ça me paraît logique, c'est pas parce que ça fait 30 ans qu'ils sont dans la boîte qu'on a besoin de s'inquiéter pour eux, qu'ils aillent crever sur le côté. On n'est pas là pour s'occuper des gens qui meurent de faim. On est là pour gagner. Moi, dans mon top 3, c'est assez facile, je dirais. C'est sur des postes particulièrement exposés. Donc, évidemment, si je demeure pas de derrière, il y a Petrovic. Petrovic a fait une très bonne saison. Avoir un bon gardien, c'est important. Il était très bon en plus. Il était vraiment très bon. Après, il y a le milieu défensif. Santos, il a été énorme dans son rôle parce qu'il était dans le sens box-to-box, qu'il a gratté énormément de ballons. Il n'est pas très bon pour orienter le jeu. Pour le coup, il sait pas faire. Il sait gratter des ballons. Il sait finir parce qu'il est toujours en fait hyper bien placé. Sur les coups de pied arrêtés, il est toujours bien placé. Il a toujours été bien placé. Il sent les coups. Parce que le mec, il a claqué quoi 10 buts dans la saison. C'est un milieu défensif. Enfin, c'est carrément incroyable. Donc, il a été vraiment sur une saison en surperformation. Et après le dernier, il y en a eu plein qui ont truc. Mais je dirais pour l'ensemble de son œuvre sur un mec que je voyais pas. C'était Moreira, dans le sens où il a fait plein de mauvaises choses, notamment les 3-4 derniers matchs, il est un peu, c'est un peu compliqué, même s'il met un super but à la Meno, là, contre Paris. Saint-Etienne, quand il met l'extérieur. Ouais, voilà. Mais à part ça, voilà. Par contre, c'est le mec, je le voyais. Il avait rien branlé à Lyon quand il avait été prêté, enfin voilà. Et je m'attendais à pas grand chose, et en fait, ce fait de le mettre piston gauche, le mec il cavale 90 minutes même plus. Le nouveau Kenya là. Voilà, il fait pas tout bien, mais il fait quand même des trucs et des fois dans sa capacité à éliminer les joueurs, à faire des dribbles un peu. Il a posé problème à faire le surnom, voilà. Etc. Par contre du coup, l'inverse, le revers de la médaille, c'est que des fois défensivement c'est un peu léger quoi. Ouais. Mais globalement c'est lui qui m'a qui pour moi a été le troisième meilleur joueur de la saison. Personne ne cite Mara dans le top 3. Mais j'ai pas cité le top 3 encore. Mais bien sûr, alors moi, là, toi. Bien sûr, parce que tu sais que je. Mara Ferreira. Sekou Mara, qui pour moi est la trouvaille de cette saison. Hein. Il fallait vraiment aller le chercher à Southampton. Je sais plus. Enfin, en Angleterre, un joueur hors de forme, qui en plus vient de Bordeaux. Sekou Mara. Et qui a des vraies statistiques. Hein, parce que j'ai envie de tout le monde à voir les stats de Mara. 3 buts cette saison. Ouais, mais les saisons d'avant. 2 en Coupe de France. Mais un au PSG. Et un au PSG qui sert à rien. Et les saisons d'avant. Hein, parce que... Donc pour moi, c'est un peu. Ouais, c'est la réussite. Hein. Sila, le CS. Sila, c'est un joueur intemporel. Non, le sauvetage. Il est là. Ah non, oui, le sauvetage. Auxerre. Ah non, quand même. Non, s'il te plaît. C'est pas Ahmed Sila. Ah non, là, je mets mon veto. J'ai mis mon joker. Sila, c'est un joueur intemporel. Il n'avait rien à prouver cette saison et il n'a rien prouvé. Il a sur le spectacle. Non, je pense qu'il faudrait aller. Le mec de Saint-Etienne, là. qui a commencé à jouer au début. Et tu vois, on l'avait recruté, il avait un peu joué, et puis finalement on l'a prêté à Nantes et il s'est blessé. Ah, Sceaux. Ça, c'est, pour moi, ça, c'est un parcours, c'est l'ADN du club. Et un mec, on compte pas sur lui, on le prête, il se blesse, très gravement, sûrement, ouais, et il va revenir plus fort. Sûrement. Il va revenir. Ouais. Plus fort, on sait pas, mais il va revenir. D'ailleurs, au passage, on avait 8 ou 9 joueurs prêtés, là. On a réussi à s'en débarrasser d'eux parce que vous avez quand même tous à peu près compris que la volonté de prêter les joueurs, c'est pas prêter les joueurs pour qu'ils s'améliorent, qu'on les récupère et qu'ils rejouent dans l'équipe. Prêter les joueurs, c'est parce qu'on sait pas quoi en foutre. En prêt, c'était à peu près raté, hein, parce qu'il y en a quand même pas beaucoup qui ont performé en prêt. Moi, j'aime mon gars. Voilà, mais sinon, des mecs comme donc c'est Sébas et Deminguet qui ont joué dans leur club respectif en Ligue 2 à Bastia et à Metz. Et qui du coup ont signé dans ces clubs. Il n'y a aucune volonté de Strasbourg les garder. Coup, ça veut dire que nous a clairement donné. Ah oui, je pense qu'il n'y a même pas une chance. Mais je crois que Deminguet avait une option au cas où Metz a une option d'achat. T'as Metz, ils ont payé pour Deminguet, c'est vraiment des cons. Une option gratuite. Une option gratuite. C'est pas une option alors. C'est gardez-le. Alors, les DNA ont eu cette phrase assez. C'est des joueurs du monde d'avant. Avant Blouko. C'était marqué dans les DNA, noir sur blanc. On peut l'interpréter comme on veut. Ah oui, Deminguet, pour le coup, est recruté officiellement avant la vente. Ouais. Je crois qu'il est recruté en janvier. Il est recruté en janvier, complètement. En mai. Et la vente, c'est en fin de saison. Donc. C'est joueur du monde avant. Et Sébastien, c'est du centre de formation. Oui, enfin. Non, du vraiment. Pour le coup, Sébastien, c'est quand même. C'est de la post-formation, il est arrivé à 16-17. Si pour vous, le centre de formation, c'est des mecs qui arrivent à 8 ans au club. Accrochez-vous, les auditeurs, si vous pensez que dans le, il y a des mecs de 8 ans qui sont arrivés au club et qui un jour vont arriver en équipe 1, vous allez avoir de la barbe blanche avant que ça arrive. Hein. Ah ouais, si vous croyez. Il va peut-être pas rester longtemps. Alors là, notre Mao Tse-tung du Racing, Marc Keller, le dit, le redit. Là, en fait, le redit au cas où il n'a pas entendu. Au cas où il y a un agent de joueur. Auquel cas, un agent de joueur en Europe n'est pas au courant. Ouais, il le dit. Il a un bon de sortie. Autrement dit, je le vends. Je veux le vendre. Envoyez-moi un fax, un pigeon voyageur, des signaux de fumée, un télégraphe, ce que vous voulez. Je le vends. Mais camionnette. Avec le bon chiffre. Ouais. Je vous le mets dans un jet à Ensign et il part. Non, mais je crois que ces valises sont déjà préparées. Il y a un petit problème, a priori, il n'irait pas à Leeds pour une question de prime à signature, c'est rumeur du ch'tou. Prime à la signature, c'est quoi ce truc? C'est ce que touche le joueur, lui. Ah ouais, parce qu'en plus, ils veulent de l'argent. Bah oui, bien sûr, c'est un joueur de foot. Enfin, c'est sa famille qui veut l'argent. Et donc, j'ai pas fini mon top 3, mais mon top 3, je pense que ça va être Doucouré. Doucouré, parce qu'on se rappelle pas assez de son plus beau geste technique de la saison. Ah! Qui était la grève et l'arrêt maladie de l'Inter. Ah oui, pas mal. C'est vrai, joli top 3. On a oublié, et derrière, je ne sais pas ce que Liam Rosenior lui a dit, mais le mec a fait une saison très doucouresque, c'est-à-dire avec toutes ses qualités et tous ses défauts. Beaucoup de défauts quand je joue au milieu de terrain, beaucoup de qualités quand je joue en défense. Un peu de choses près. Un peu de choses près, c'est à peu près ça. Mais une très bonne saison, on va dire. Et donc, avec des belles tresses aussi. Voilà, aussi. Oui. Peut-être ton collègue ? Peut-être. Voilà. Donc voilà, on a fait le petit top 3. On va passer vite fait au business, parce qu'après, on a encore un petit peu des 2-3 conneries à raconter. 56 minutes de mission. Ouais, voilà. Bon, on a 5 minutes pour parler de business, parce que c'est pas notre truc. Hein. Qui est-on pour parler d'argent à des gens qui sont milliardaires ? Les gardiens de la révolution. Évidemment. Même si c'est pas un métier de tout repos en ce moment. Tout à fait. Nous, les gens d'avant... Les gens d'avant Blouko, mais même les gens d'avant McCormack. Hein, parce qu'on est tous, voilà, on a tous connu Gilbert Grèce adolescent, qui tapait le ballon sur la crème. Est-ce que niveau business, c'est une bonne saison? Est-ce qu'on a gagné de l'argent? Est-ce que le club s'est valorisé? Alors, techniquement, pur et simplement, si on écoute notre guide, il nous le dit bien, oui, c'est une saison déficitaire. C'est normal, nous explique-t-il. Il nous dit que ça a été dit que c'est de l'investissement. Et c'est bien. Donc, c'est de l'investissement, c'est que c'est pas vraiment de la dette, vu que c'est de l'investissement. C'est de l'investissement. C'est de l'investissement, donc c'est ce que nous dit le truc. Donc, globalement, il faut s'attendre à un déficit d'exploitation d'environ 100 millions d'euros. 115, ouais. Quand t'es à 100, t'es plus à 115. Est-ce que hein, c'est le même grand guide qui se félicitait que le Racing, chaque année, était à jeu, soit... C'est le même gars. Et qui disait que ça, c'était très sain. C'était très sain. Ok, super. Non, t'es... Ouais, mais bon... On peut, tu peux être allié avec des mecs au début de la guerre et après changer. Ça c'est déjà vu. C'est déjà vu. Mais ouais, non, moi. On en connaît. Ribbentrop-Molotov. Voilà. Classique. Moi, la seule chose qui me manque, c'est que j'ai toujours pas pigé quelle est la stratégie de Blouko pour faire du pognon. Ah, c'est juste ça, moi, qui me manque. Ce qu'ils font là et tout, ils essayent d'avoir, je leur concède qu'ils essayent d'avoir une politique sportive, ils ont fixé un cap. Je suis pas spécialement d'accord avec, mais ils ont fixé un cap, ils mettent les moyens pour ça, ils mettent un entraîneur junior, ils mettent plein de mecs juniors et tout, ils essayent de miser sur que le mec trouve, on va dire, une émulation avec ces jeunes-là, et de t'en prends 10, s'il y en a un qui est très bon, deux qui sont corrects, ça sauve les 7 autres qui vont finir à la poubelle parce qu'il y en a. On parle pas là du Pereira qui a joué avec l'équipe 2 et qui branle rien si ce n'est avec son équipe U20 de Colombie ou je sais pas quel pays gorgé de soleil. Voilà, il y a Dion qui a jamais joué. Enfin, il y en a un paquet comme ça qui ne servent à rien. Donc ceux-là, on n'en parle pas. Et qui seront pas conservés. Et qui ne seront évidemment pas conservés. Y a pas de mais tout ça, j'ai bien compris. Mais j'ai quand même pas compris à la fin. T'achètes le club 70 millions d'euros. Oui, avec les dettes. Avec les dettes, voilà. Et t'achètes ça. T'investis tous les ans. Alors la première année c'était plutôt un peu moins de 100 millions. Cette année c'est un peu plus de 100 millions. Donc à la fin t'as déjà, allez, bon an mal an, je te fais une enveloppe. T'as dépensé 300 millions. Ok, ça c'est au bout de 2 ans. Ça va être quoi, 500 millions au bout de 4 ans ou 3 ans? À quel moment? C'est quoi leur truc? C'est quoi? C'est ils vendent à 10 ans. Ils essaient de revendre le club. Est-ce que le club peut être vendu un demi-milliard dans 7-8 ans? Moi j'y crois pas. Je crois pas que c'est dans la volonté. Surtout un club qui perd autant d'argent. Voilà. Est-ce qu'à un moment donné, il va falloir vraiment survendre les joueurs pour rentrer un petit peu de cash à l'intérieur et que finalement, là, parce qu'à un moment donné, ces mecs-là, faut qu'ils fassent du cash, quoi. Il faut qu'ils fassent des thunes. Et juste ça, moi, je l'ai pas encore compris. J'imagine, les mecs, ils sont milliardaires, donc le business, ils le connaissent mieux que moi. Ils ont quand même un plan d'action qu'ils ont pas annoncé. Ils ont un truc un peu secret pour gagner du pognon. Pas trop secret, hein, mais je sais pas. Alors, moi j'ai une théorie, c'est que effectivement le truc qui semble le plus plausible, c'est exactement ce que je cherchais. Ça, c'est que le Racing est vraiment à côté. L'investissement de merci. Le Racing est là. Oui, le Racing, il faut pour pousser. Informaticien. Chelsea. Non, voilà, le Racing n'est qu'un. C'est une route de secours. C'est une route de secours. C'est l'équipier autour du Tour de France. Voilà. Et en fait, du coup, 70 millions, c'est quoi? C'est un joueur qui jouera pas à Chelsea. Et 100 millions par an, c'est 10% de Chelsea. On se dit, mais cet argent, on le met, ça nous permet de faire jouer un peu nos mecs de Chelsea, de prendre des mecs qui peuvent pas avoir le permis de travail. En fait, je pense qu'on est un accessoire. Et de leur faire obtenir le permis de travail en leur donnant le nombre de matchs dans un championnat qui est quand même à ses côtés et qui rapporte les points nécessaires. Voilà. Et ma deuxième théorie, c'est aussi que comme tout être humain normalement constitué, ils sont tombés dans ce fameux travers du football. C'est-à-dire que des mecs qui ont réussi dans leur vie professionnelle, dans plein de choses, arrivent dans le football et se retrouvent dans un engrenage d'un monde qu'ils ne maîtrisent pas. Parce que le football, c'est pas genre. C'est pas mathématique. C'est pas les poubelles. C'est pas les poulets. C'est pas le tennis, hein, si on parle de Patrick Croisi ou de Nasser Al-Khelaifi. C'est pas le transport, notre ami Caillou. Voilà, tout ça. C'est un monde différent. Et souvent, les gens, ils sont grisés par ce monde où il y a des courbettes, où au bout de 3 matchs, on a l'euphorie, on gagne 3 matchs, on est européen, alors que ça veut rien dire puisque c'est à un moment T et ce qui compte, c'est le dernier jour du championnat. Et moi, j'ai un peu l'impression que notre ami le boss, Bédad, il s'est retrouvé grisé et cette année il s'est dit ouais non mais moi je vais mettre de l'argent, je sais mieux, le business c'est ça, il faut investir quand les autres vont mal, et qu'il a mis beaucoup d'argent parce qu'il pensait réussir alors qu'il savait pas du tout que genre on pouvait se rater sans aucune logique sur les deux derniers matchs, et en fait genre complètement avoir un gap, parce que là on va dire quand tu mets 115 millions et que le bénéfice maximum si tu gagnes la Conference League, ce qu'a fait Chelsea l'année dernière, c'est 19 millions, c'est un gap de 96 millions d'euros. Parce que nous avons un système où, à part la Ligue des Champions... Il y a que la Ligue des Champions qui paye. Il n'y a pas de bif. Enfin, non mais en fait, c'est pas ce que les clubs vont gagner sur le terrain en termes de trophées, c'est pas ça. C'est ça. Non, c'est la valeur marchande des clubs. C'est, à la revente. C'est à la revente. C'est ça qui fait. Et cette valeur-là, elle est pratiquement irrationnelle sur certains moments, quoi. C'est là-dessus. C'est pas sur la valeur purement, on va dire, comptable de ce que les mecs gagnent. Évidemment, ils ont gagné quoi? Tu m'as dit 19 millions pour la conférence. A priori, c'est le gain pour un championnat conférencier, ouais. Alors pour Guingamp ça serait énorme, pour Chelsea c'est peanuts hein, Mais par contre Brest a empoché plus de 50 millions d'euros en participant à la Ligue des Champions. Oui. C'est là où à mon avis c'est aussi un truc à... Moi je pense que l'objectif du boss c'était d'accrocher avec les champions et d'accrocher ces 50 millions d'euros au moment où les droits sportifs en France étaient mauvais, en se disant les mecs vont pas bien, je mets de l'argent, je récupère le pognon comme ça, je me place et on sera pas mal. Sauf que là, genre, bah oui, la Conference League, c'est pas ça qui va faire tourner le beefsteak. Donc, il peut dire, je remets plus, je rejoue, parce que l'année prochaine, je vais gagner, forcément. Il y a un côté, évidemment, il y a un côté casino. D'ailleurs, comment est-ce qu'on fait pour devenir millionnaire grâce au football? Il faut arriver dans le football en étant milliardaire. Voilà. Bah, je dirais tout sur le noir, et puis, voilà. Et puis tu vas gagner. Mais, attention, Grégory Thiel n'est pas d'accord. Non, mais d'accord. Il y a les Géorgiens aussi, il y a les Ouzbeks. Parce que, la vraie question, c'est ok, cette année a été plutôt pas mauvaise, c'est ce qu'on a dit dans la première émission. Mais du coup, la prochaine. Et pour ça, on a une question. On a une question encore. Et bah, c'est magnifique. Parce que... elle est un peu dans le thème, et c'est Chris3FR sur le Stube. Chris3FR qui nous dit le miracle Rosenior 2024-2025 peut-il se reproduire en 2025-2026, sachant qu'on a fait all-in sur le coach, mais que les joueurs vont changer chaque saison. Et intéressant cette question. Et Chris 3FR. On sera davantage attendu. Ouais, et sur Eric, il y a STSEB67 qui pose la même question avec comme conclusion, alors que les départs des deux meilleurs joueurs sont d'ores et déjà actés, Petrovic et André Santos. C'est quoi le pseudo du chubiste, pardon? C'est STSEBastien, à commercial, STSEB67, exactement. STSEB67. C'est pas toi, hein? C'est pas moi, effectivement. C'est dommage parce que c'était une bonne question. Oui, c'était une bonne question. Ouais. J'aurais pu poser du coup. Alors, excellente question. Est-ce que cette année on va faire mieux? Est-ce que c'est un miracle ou est-ce que c'est le pain quotidien des supporters du Racing? Moi, j'ai un avis très tranché là-dessus. Tu vas nous le donner? Je vais vous le donner. C'est que tous les ans, Chelsea va pas nous prêter ni un Petrovic ni un Santos. Des mecs qui sont arrivés et qui étaient déjà à un très bon niveau de forme, un très bon niveau de Santos, on l'avait vu. Les premiers mois, c'était pas terrible. La fin de saison, avant-dernière, il était vraiment très bon. Il est revenu sur la même état de forme. Il a été vraiment excellent toute la saison. Je suis pas sûr que les prêts de Chelsea qu'on va avoir cette année, parce qu'on va en avoir, ils sont limités à 3, mais on va en avoir. Je suis pas sûr qu'ils soient au même niveau. Et c'est quand même eux qui ont fait une bonne partie de l'équipe, hein, les prêts de Chelsea. Et parce que voilà, et les ventes aussi, parce qu'on avait Moreira qui était une vente de Chelsea. Je suis pas sûr qu'on va avoir ça. Et donc du coup, Rosenior, il a beau être hyper fort. Franchement, je lui donne vraiment confiance là-dessus. Le mec, j'ai pas de mauvais a priori sur lui. Mais à un moment donné, d'un âne, il va pas te faire un cheval de course, quoi. Si tu lui mets pas des joueurs qui sont vraiment performants, je pense que notre ami Rosé. Moi, je pense, et je fais un pronostic là, on est en juin 2025, je m'engage. Enregistré. Je pense qu'on fait une saison dans le ventre mou. On joue pas l'Europe. Pas mauvaise saison, mais pas une bonne saison. Surtout que les mecs de Chelsea seront obligés de jouer. Hein. Bah c'est aussi le truc, c'est pas. Voilà. Ah, oui. C'est pas trois mecs, s'ils sont pas performants, tu les mets sur. Tu parles d'Angelo. Je parle d'Angelo, qui a quand même réussi à être vendu en Arabie Saoudite, hein, du coup. Ouais, bon, ça c'est. Qui joue avec Ronaldo et quel ancien autre joueur du Racing. Finalement, cette année, moi j'ai une sous-question. Cette année, on a quand même beaucoup profité. Simakan. Ah oui, putain, Simakan. Cette année, on a beaucoup profité, d'après moi. Du travail qui a été fait l'année dernière avec l'animation offensive, avec Emega, Santos, Bakwa, Diarra qui se connaissaient et qui avaient déjà l'année dernière, voilà, et qui l'année dernière ont commencé à créer quelque chose entre eux humainement et sportivement. Si cette année ça explose et qu'on repart avec beaucoup de nouveaux joueurs, il va falloir recréer ça. Et ça, ça prend du temps et c'est pas certain. Est-ce que vous avez un objectif pour cette, cette saison? Un pronostic objectif. Un objectif comme Marc Keller, donc il faut faire évidemment mieux. Il faut faire mieux. Donc bon, l'objectif affiché par Marc Keller à l'After Foot, c'est la sixième place. Voilà, 6-7e, hein, ad vitam aeternam, c'est un peu ce qu'on a compris. Donc voilà, 6-7e, ça serait quand même... Je viens de tomber sur un joueur qui n'était pas dans le top 3 de Gigas et je comprends pas pourquoi il n'était pas dans ton top 3. Ah. C'est Caleb Ouellet. Je cherchais quel était le troisième joueur prêté par Chelsea. Parce que dans mon propos tout à l'heure, je parlais des deux joueurs prêtés par Chelsea et dans ma tête, je me dis, ils en ont forcément prêté trois. Finalement, il y a quelque chose. Je cherchais qui était ce troisième. Il y a quelque chose qui a été rassurant avec lui, c'est qu'il s'est blessé et qu'on nous l'a pas laissé comme une espèce de... de poids mort et qu'ils l'ont repris. Mais c'est au moment où la vente de ça, on a commencé à en parler. Alors est-ce qu'il a pas déjà été vendu et on nous l'a prêté officiellement, mais sans nous le dire? Je sais pas. Oulalalala. Je sais pas. Rien d'autre à dire que oulalalala. Ouais. Oui, c'est vrai que. Très bonne chanson des Ludwig. Oulala. Oui, tout à fait. C'est vrai que comment peut-on oublier le frérot, hein, le frérot qui a été américain de son état en plus. Ouais, il aurait pu jouer la Coupe du Monde des clubs hein, à domicile. C'est vraiment dommage. Une passe décisive cette saison à Lyon, je dirais. T'as fait perdre. Ouais. Une passe décisive quand même. Donc j'étais à Lyon en plus. On a dû le garder. Ouais, mais il avait pas impressionné grand monde. Ça se trouve, il vous le vend, hein. Il n'allait pas trop vite, hein. Son départ coïncide plus ou moins avec le retour de Delaine, hein, quand même. Qui a joué, hein, 5 minutes. Hein. Delaine Sobol, Sobol qui a joué, hein. Sobol qui a quand même joué. Il a joué combien de matchs Sobol cette année? C'est le quiz avant l'heure. 7 ou 8? Non, 12. 8, 12. Au-dessus, c'est perdu, hein, c'est ça. 10. 10, putain, et voilà. Et bon. Monsieur Fou. La chance du débutant. 10 matchs. Pour le coup, 10 matchs en championnat cette année. Quand même. Pas beaucoup, bon, mais. Ouais, 50 minutes de jeu, quoi. Oui, alors il a pas joué beaucoup de matchs, mais. T'es dur, Bernard. N'empêche qu'il est rentré, c'est peut-être ce banc qui nous a manqué, hein. Contre 86 minutes. 86 minutes, quand même. Ça fait 8 minutes par match, quoi. Ouais, bah. C'est pas, qu'il a même pas joué l'équivalent d'un match plein, en fait. Il a pas joué l'équivalent d'un match plein. Son record, c'est 30 minutes. Ah, quand même, hein. Contre Calais. Le Havre Racing. Non, il a pas joué en Coupe de France, je crois. Enfin, je sais pas, j'ai pas vu, là. Faut que je regarde. Ah, si, pardon, il a joué. Voilà. Alors, donc, du coup, l'objectif 6-7, Calcio, quel est ton objectif? Marco nous a expliqué qu'il souhaitait améliorer l'équipe, hein. Il arrête pas de dire un peu partout. Donc, moi, ce serait que l'équipe soit améliorée. Donc un meilleur mercato, voilà. On va parler du mercato encore une fois. Roulian, quel est ton objectif? Mon objectif, alors il est très simple, c'est juste passer le barrage de conférence. Si on arrive à passer le barrage de conférence et qu'on joue 3 matchs à l'extérieur, 3 matchs à domicile en Conference League, pour moi, je serais heureux sur la saison. Globalement, qu'importe. Après, on peut être relégué, c'est plus grave. Trois déplacements en conférence, conférence League, 3 déplacements, ça peut être 3 super super moments parce qu'on irait jouer dans des pays improbables contre des équipes improbables et de façon improbable. Et contrairement à ce que dit Marc Keller, l'improbable et l'à peu près, c'est ça la DM du Racing. Cela dit, je refais une transition avec le mercato. Si on passe ce tour de barrage, il va quand même falloir bien renforcer l'équipe pour pouvoir jouer à la fois le jeudi soir et puis le dimanche. Hein. Écoutez Sébastien, ce mercato, nous l'avons pris à bras-le-corps avec Loïc Grégory. Et d'ailleurs, on va en parler de ce mercato. Il y a déjà des rumeurs, il y a déjà des joueurs qui ont signé, je crois, peut-être, je sais plus. Non. Des joueurs, non, des mecs dans le staff. Donc on a Grégory Thiel et on a un entraîneur qui a signé. Il peut peut-être remplacer. Sub. Thiel peut peut-être remplacer Mara, hein, devant. Est-ce que ce sera pire? Je sais pas. On a. Avec qui comme adjoint? Putain, je sais pas. J'ai pas. Ah, t'as pas suivi ça? Un ancien de la maison, Siki. Anthony. On en a parlé en plus. Que fait son beau-frère? Son beau-frère ne revient pas? Le beau-frère de Siki, c'est... Il était entraîneur. Il ne fonce pas le code David Lely? Non! Je pense que c'est l'ex-beau-frère. Ah, il y a eu une séparation. Oh, mais quand même, c'est toujours l'oncle. Donc ça marche. Toujours pote. Ok. Frérot de la Vega. Ah, frérot pour la vie, hein. Moi je le vois. Ah, mais les anciens du Racing ont compris que... il y avait un besoin de retour aux sources et le bon, pas tout, il y a une vraie queue devant le. Seb, c'est un peu un retour aux sources, puisqu'on a le nombre de Racing Camp qu'il y a eu. Ouais, mais par exemple, là, l'entraîneur de la 2 cette année, c'était aussi un ancien de la maison. La Cour. Et il n'a pas été conservé non plus, quoi. Donc, c'est l'entraîneur de U19, c'était pas le Scornet qui était. Ah, si, c'est peut-être. Non, le Scornet, lui, il était dans l'équipe de la réserve, il y a deux. Le groupe élite. Mais c'est compliqué à suivre, mais en tout cas oui, c'est du genre t'as joué au Racing quelques saisons quand même, ils prennent pas n'importe qui. Tu es en train de, tu veux passer un diplôme, voilà. viens t'occuper, surtout si tu veux passer un diplôme, la certitude, viens t'occuper de nos jeunes qui ne perceront jamais en équipe une. De toute manière, on te demande aucune obligation de résultat. C'est juste pour arriver à l'heure, faut rendre service, voilà. C'est pour rendre service, voilà. En parlant d'ancien Racing, je voulais le placer à un moment, j'avais noté dans les petites notes, Olivier Dacour était en aparté hier soir. Je ne sais pas si vous n'avez pas regardé. Non, non, bien sûr que non. Ah, j'ai vu la fin. Le réalisateur. Olivier Dacour qui réalise un film qui s'appelle genre Petit Papa Noël ou un truc comme ça, on s'en fout. Et c'était très marrant. Et donc Olivier Dacour qui est fan d'art moderne. Voilà, c'était la petite anecdote. D'accord. Ouais. Et il a Olivier Dacour qui, pour finir, ne mange pas trop mal à la cantine. Il ne mange pas à la même cantine que Olivier Monteiro-Bio, mais il mange quand même bien à la cantine. Il a pris du rap, quoi. Ah, il est imposant. Comme Pierre Ménard. Non. Est-ce qu'il pourrait arranger le coup avec Leeds? Ah, mais oui. Possible. Parce que Olivier Dacour et Leeds, c'est une grande histoire d'amour et c'est un des plus. On dit beaucoup qu'aujourd'hui il y a beaucoup de clauses dans les contrats des joueurs, et Olivier Dacour, il avait un agent qui a été malin au moment de sa signature à Leeds. Il était troisième salaire du club et la seule chose qu'il a demandé réellement, c'est qu'il puisse rester, quoi qu'il arrive, dans le top 5. Des salaires Évidemment, 6 mois après, le club est vendu. Il y a un nouveau propriétaire qui fait des achats de joueurs somptueux et Olivier Dacour, sans rien faire, il voit son salaire multiplié par 3. Et comme quoi, il y a des gens qui boivent bien. C'est pas mal, hein. Faites ça chez votre employeur, au cas où vous êtes racheté par Blueco. Je viens de relire une question Minitel qui est totalement en rapport avec ce qu'on a dit. Peut-être qu'on l'a cité, mais c'est toujours ST767, donc on l'a déjà cité, qui nous dit Marc Keller martèle sous tous les médias que l'objectif c'est de bâtir une équipe plus forte que la saison à venir. Alors que les départs des deux meilleurs joueurs sont d'ores et déjà actés, est-ce du politiquement correct ou y croit-il vraiment? Ouh. Question hyper intéressante. Mais globalement, ce que Marc Keller dit, est-ce du politiquement correct, de la bonne com, ou est-ce qu'il y croit vraiment? Donc du déni, quoi. Moi, je pense que la bonne com, il faut y croire vraiment. Et parfois, elle est politiquement correcte. Même très souvent. Moi, je pense, en toute honnêteté, qu'il n'y croit pas vraiment. Il subit le truc, quoi. Il subit ce que les mecs, le truc. Les mecs, je crois qu'il l'a dit très vite fait dans la dernière interview. Il a dit oui, faut qu'on se voit très rapidement avec Chelsea pour les 3 prêts qui vont être prévus cette année. Oui. Et donc, en fait, là, il va se mettre autour d'une table. Il va essayer de gratter. Les mecs vont lui proposer une liste de noms. Ouais. Et il va essayer de gratter ce que lui semble meilleur. Mais, Santos. Tu vois, c'est un peu, quand moi j'étais gamin, alors j'espère qu'il n'y a pas de très jeunes auditeurs qui écoutent. Le Père Noël n'existe pas. Je vous le dis. Voilà. N'écoutez pas. Et quand il y avait le Noël dans la boîte de mon père, on recevait une liste. On égratine Marc Keller et le Père Noël. Belle émotion. On recevait une liste à Noël, donc genre vers octobre, novembre, et il fallait choisir le cadeau qu'on voulait pour Noël. Et donc on avait une liste et puis on cochait ce qu'on pouvait avoir. Et puis il y avait l'histoire de points, de pas de points. Hein, et tu pouvais pas tout avoir, mais tu pouvais cocher ce que tu voulais et t'espérais que ça puisse marier. Et à la fête de Noël, qui avait lieu, je sais pas, un peu avant Noël, donc courant décembre, t'arrivais et t'avais évidemment un employé de la boîte un peu bedonnant qui était déguisé en Père Noël et qui te remettait le cadeau que t'avais coché, mais t'avais plusieurs coches, tu vois, tu pouvais pas, voilà, et t'avais ce qui était possible. Ben Marc Keller, c'est la même chose. Et je pense qu'il vient, on lui présente une liste de joueurs, il coche, il dit bah en 1 je voudrais ça, en 2 hein, il donne 10 vœux. Et puis Et à la fin t'as Caleb Ouellet, quoi. Tu vois, c'est voilà. Il dit ouais, je voulais un arrière gauche. Non mais je voulais pas. Enfin. Je voulais un vrai arrière gauche. Et voilà. Et en fait voilà. Donc Marco, je pense que il est pas convaincu. Il est pas dévié. Il sait bien comment ça se passe. Il sait très bien que sa marge de manœuvre elle est quasi inexistante et il va prendre ce qu'on va lui donner. Et donc du coup, quand il dit qu'on va renforcer l'équipe, quand il dit qu'il va renforcer l'équipe, c'est un peu pour moi la méthode Coué, quoi. C'est, il essaye de s'auto-rassurer. Mais ils n'ont pas la méthode Coué qui consiste à violer les stagiaires. C'est pas la même chose. Voilà, c'était mon sentiment. Alors, Mercato, vite fait, en 2-3 mots, est-ce qu'il y a des rumeurs intéressantes? Parce qu'en fait, j'allais dire quelqu'un signe, mais c'est pas vrai. Mais on se retrouve vachement tributaire de ces fameux 3 mecs du Chelsea, hein, parce que. Sinon, il n'y a personne là. Et des départs, parce que je ne sais pas si on va en parler, mais il y a quand même énormément de joueurs qui pourraient partir. Pas tout ça, pourquoi? Parce qu'on n'est pas en Ligue des Champions. Aussi, évidemment, et parce que finalement. Et le pacte, le fameux pacte des joueurs à la vie et à la mort, il marche pas pour la Ligue. Ouais, c'était Europa. On n'est pas en Ligue des Champions, c'est la faute de qui? C'était Europa, hein. Et je c'est la faute des joueurs. Tous ceux qui sont meilleurs que nous. Ah non, en effet. Non, mais je pense que, moi, une des inquiétudes que j'ai, c'est s'il y a beaucoup de joueurs qui partent rapidement, il y aura une espèce de déliquescence. Parce que, on peut dire ce qu'on voudra, mais il y a évidemment ceux qu'on pense, voir partir, ou ceux qu'on sait voir partir, les Petro, les Santos, les Sarr, mais il y a aussi ou les Diarra et autres Douk, mais il y a aussi des joueurs qui se posent des questions et des agents qui voudraient sortir leurs joueurs du Racing parce que la confiance elle est pas aussi énorme que ce qu'on pourrait imaginer. Et puis ils vont aussi beaucoup être chassés. Un mec comme Doué par exemple, il est très très regardé en Allemagne. En plus, Doué, on va dire qu'il ne va pas avoir un salaire énorme, puisqu'il fait, il a fait France. A priori, c'était encore un des derniers mecs faits par Désiré, donc à l'ancienne. C'est ce qu'on nous a vendu. Donc, Doué, il peut facilement faire un x2 s'il part à l'étranger, je pense. Puis, mine de rien, alors, contre Blouko, hein, c'est une saison hyper délicate, parce qu'on se retrouve avec un barrage, une Coupe d'Europe qui intervient fin août. Concrètement, tu te qualifies ou tu te qualifies pas, derrière, c'est pas. La fin d'année civile n'est pas la même saison. Hein. Oui, et les besoins en nombre de joueurs sont pas les. Et s'ils ont un petit peu analysé la fin de la saison, ils savent qu'on peut pas repartir avec un groupe aussi peu fourni. C'est ça. Si tu en qualité, jouer, mais aussi en nombre. Si tu veux jouer un top 5, c'est sûr, mais alors si tu veux jouer un top 5 avec une Coupe d'Europe, c'est pas possible. Si tu joues un top 5, une Coupe d'Europe et potentiellement aller plus loin en Coupe d'Europe, voire en Coupe de France, c'est encore autre chose. Avec les difficultés toujours de la vitrine, c'est-à-dire qu'on va pas prendre des joueurs qu'on ne peut pas mettre sur le terrain et voilà. Exactement, c'est la vitrine, on en a parlé, mais c'est vrai que c'est une excellente théorie. Et quand bien même les anciens joueurs que tu as pris, eux non plus, tu es obligé de les mettre sur le terrain, donc tu les prêtes, donc ça devient tout un truc. Où va être prêté Sekoumara à Bordeaux peut-être? Ouais, après, s'il tombe en R2, quoique. Ce sera mieux. Peut-être qu'il fera une saison à 25 buts, hein, derrière, on sait pas. Bon, allez, je vous propose de faire un petit tour de questions Mittel, 2-3 questions Mittel, et on attaque le quiz, parce qu'on est quand même un petit peu, voilà, on est dans les clous du Radio Stoub, mais voilà, ça fait une. Ah ouais, 1h20. Une petite question Mittel. Moi, j'ai plus rien en stock. Alors, on a une question Mittel. Ah, de la Racinerie, hein. Anti et pro Blouko, vous pensez quoi de la relation qu'on a avec les fans de Chelsea? Au-delà de l'aspect multipropriété, vous aimez notre frère et ses supporters? Je m'en bats les couilles. Ouais, un peu pareil. Hein. Moi, je pense quand même que nos frérots, ils ont quand même fait exploser les réseaux sociaux, le nombre de vues, les choses. C'est vrai que moi, je suis toujours assez surpris quand je lis les commentaires, même sur le X français, d'avoir tout un tas de commentaires en anglais, beaucoup des retweets sont des retweets de Britanniques, c'est quand même assez étonnant. Et puis après, est-ce qu'ils nous aiment? Est-ce qu'on les aime? Comme c'est toujours pareil, hein. Le grand frère, anglais, c'est toujours compliqué. C'est ça. Et puis le grand frère, il trouve toujours que le petit frère, il est trop bien doté. Et se pose toujours la question de savoir comment est-ce qu'il pourrait récupérer ou les jouets qui ont l'air plus sympas que les siens. Voilà. Mais moi, je trouve ça un peu dommage. Pouvoir refiler les vieux vêtements pour en avoir de nouveaux. Je trouve ça un peu dommage que Chelsea se soit qualifié pour la Ligue des Champions sur la fin. Ouais, franchement, ouais. L'objectif, c'était quand même de jouer tous les deux la Conference League. Ça aurait été beau. En famille. Il y a un club irlandais qui a été exclu, là, qui joue la même. Ouais, mais il a été exclu, mais est-ce qu'il va vraiment rester exclu Ah, ils ont fait le tribunal arbitral du sport a donné un avis défavorable. Donc, à l'exclusion Ouais. Donc ça veut dire qu'il serait réintégré. Non, enfin, ils ont donné un avis favorable comme quoi les Irlandais ne peuvent pas jouer. Ah, d'accord. Donc là, ça sent le pâté. Ah ouais, d'accord. Ça sent le pâté. Ouais. Après, à ta gauche. Question intéressante. Ouais, une fois n'est pas coutume de I am Roth 3 from CX. Voilà, que déjà. Devient François Keller? Hashtag Radio Stoub, arrobase Ator Stoub. Ça, c'est une question qui. Il faudrait peut-être une émission pour en débattre. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup entendu François Keller cette saison. Bah, il est au centre. Hein. Il est au centre de formation, c'est-à-dire qu'il fait pas grand-chose, quoi, parce qu'il forme des joueurs qui iront jamais en une. Donc, enfin, c'est pas le projet, quoi. À moins d'avoir, on va dire, un talent générationnel qui vient ouais. Truc, je vois pas comment un mec du centre. Ah, impossible. Les U17 ont gagné un prestigieux tournoi là, cette année. Ouais, au fin fond de la Bretagne. Voilà, non mais vraiment un super gros tournoi contre des grosses équipes, c'est bien. Mais est-ce que là-dedans il y a des joueurs qui parce que là on parle de U17, on parle de U17 donc c'est des mecs qui ont 16 ans, ouais. D'accord. Mmh. Et on a l'anglais qu'on a acheté là qui avait option d'achat automatique, il a 17 ans. Hein. Celui qui a un nom imprononçable avec un tiret au milieu, il a 17 quoi. Et qu'on a acheté très cher. Parce que là aussi, t'es en concurrence avec des joueurs qui ont été achetés très cher, qui ont plus d'expérience que les tiens et qui bah viennent de la maison mère. Et donc évidemment, ça va être compliqué. Donc, du coup, je vois pas trop. François Keller, il est obligé de maintenir un centre de formation. On a l'obligation de maintenir un centre de formation. Donc au classement. On est passé combien 14e sur 18, le classement qui a été publié cette semaine. Alors, on a descendu quelques places, notamment au niveau de nombre de joueurs qui signent des contrats pro ou qui jouent en équipe 1, qui a baissé. Voilà, il y a X critères qui permettent de classifier les centres de formation, et là, on est 14e sur 18. On a grosso modo. Ouais, mais on a des bons résultats scolaires. C'est le syndrome PSG, hein. C'est pareil, le PSG, hein. Il n'y a aucun jeune qui joue. Hein. Si, bah, parce qu'il faudra malgré si, tout quand même, préserver le règlement qui dit... que tu dois avoir dans ton effectif pro 5 joueurs formés dans mais c'est sur une liste de 30 ou 40. Oui, voilà. Donc t'as des mecs comme le 3e gardien du PSG ou le 4e gardien du PSG qui a fait 3 matchs dans l'académie du PSG et qui est considéré comme Et quand t'as des gamins qui arrivent à 17 ans comme cet anglais et vite ils rentrent dans les critères de joueurs formés localement. Oui, c'est ça. C'est ça aussi qui est important. Et puis, ils sont pas obligés d'avoir été formés à Strasbourg, ils peuvent avoir été formés en France. Et même vu l'idée générale, si la sanction étant moins de joueurs inscrits, est-ce que c'est vraiment grave dans la mesure où tout le monde en parle à la vitrine? Alors, pour François Keller, il y a quand même quelque chose qu'on doit noter, c'est que François Keller, il est en train de faire, ou il a déjà bien commencé sa révolution. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui, était un peu de la vieille école et qui s'intéresse de plus en plus à la nouvelle école. Qui charbonne et qui sait que être le frère de Marco suffira pas et que s'il veut rester en place il faudra offrir un peu plus que ce qu'il offre aujourd'hui et que les disgrâces sont rapides. Voilà. Hashtag Médicte. Sachant que François Keller est aussi une légende du club, c'est quand même lui. C'est vrai. Parce qu'on parle souvent, les gens ont tendance à dire si Marc Keller n'avait pas sauvé le club. Ben Marc Keller n'a pas sauvé le club. François Keller, par contre, a pris sa voiture pour aller prendre les joueurs qui étaient là. François Keller était au redémarrage avec Guy Fagenbrügel. C'est ça. Et quelques autres, mais François Keller est vraiment un petit peu l'artisan de la Renaissance. Marc Keller est en réveil après un moment très important, charnière, où tout se serait arrêté s'il n'était pas venu. Mais c'est vrai que François Keller est quand même, avec Frédéric Citerlé, on oublie souvent l'artisan de la Renaissance. Oui, bien sûr. Et Lévy. Et David Lévy. David Lévy. Et David Lévy. Le quiz de Calcio. Avec le plaisir. Quiz, le quiz. Le Est-ce que tu restes pour le quiz Il reste pour le quiz. Ah, ah. Oh. Vas-y, je te donne le microphone. Comme la mode avec Blouke, c'est les jeunes, tout ça. Eh ben, Radio Stub, comme on fait toujours le contraire, on va parler des plus anciens. Les plus anciens quoi? Joueurs du Racing. Oh putain, mais sur quelle saison? Alors, depuis la remontée 2011, du coup la saison 2010-2011. Ok, François Keller. Les 35 joueurs. Les plus vieux. Soit les plus vieux, mais comme on est optimiste, on pourrait aller autrement. Les 35 joueurs qui avaient plus de 30 ans au moment de leur dernier match avec le Racing. Oh putain. Il y a 35 noms. C'est un carton. Et du coup, premier à 6 bonnes réponses. Ok. Du coup, que 24 à trouver. À moins qu'il y ait un système de mort subite, parce qu'on aurait tous 6 au bout de 6 mois. Ouais, parce que là, on pas connaître Aurélien. On en trouvera jamais. C'est parti. Un peu facile, mais. Ça commence tout. Hein. Non, non, il faut des règles, il faut un sens, à la clope ou à autre. C'est parti. Dimitri Guénard. Dimitri Guénard qui est 4ème de ce classement. Alors, le plus vieux a 38 ans, 9 mois et 20 jours. Au moment où son dernier je pense que je l'ai. Et le plus jeune, 30 ans et 9 jours seulement. Je pense que j'ai le plus vieux. Vas-y. Kawashima. Mais c'est une bonne réponse, c'est vraiment. Il a presque déjà gagné. Donc Lienard est 4ème, mais Rougan l'a marqué. T'es le vainqueur moral. Je vais essayer le compère de Kawashima, le japonais de Colmar, Jérémy Green. Jérémy Green. Si, forcément. Jérémy Green. Non ? Jérémy Green, il est 19ème, mais oui, il est 19ème. C'est compliqué au début. Hein. Ah ouais, mais il y a beaucoup de noms. Ah oui, il y a beaucoup de noms. 35, toujours. Plus de 32, hein, du coup. C'est ça. Blayak. Blayak. Mon ami Jérémy. 7ème Blayak, mais oui. William. Tu en connais. Martinez ? Martinez, Pablo Martinez, il n'est que 30ème, mais il est 30ème. Enfin, ok, il est dedans. Il est dedans, quoi. Digues. Gonçalves, il est dedans aussi. Il est, je crois, mieux classé hein, quand même. Il est 17ème. Ah, lui, il avait l'air vieux à 18 ans, je pense. Ouais, ouais. Probablement. Kader Morgan. Kader Morgan, il est 5ème, effectivement. Qu'est-ce qu'on avait comme joueur qui était vieux ? Forcément. Ah, ben on a notre ami suédois là. Johnson, là. Johnson, 6ème. Ah, il est vieux, c'est le seul vieux de cette année. Du coup... voir le seul, hein. Oui, bah oui, le seul, ça. Ouais. C'est vrai que... Baki Kone. Baki Kone, c'est le dernier de cette liste. Ah, il avait 30 ans et 9 mois. 30 ans et 9 jours. 9 jours. 9 jours. 9 jours. 9 jours. C'est pas à toi, Captain... Donc le premier et le dernier... Captain Morgan. Delaine. Delaine, je crois que je l'ai aussi vu, il est dans cette liste. Oui, il est dans cette liste. Delaine. Je pense qu'il a 30 ans, il a joué cette année. Delaine est 18ème, moi. Ouf, suspense intenable. Voilà, franchement, j'ai perdu 10 kilos. Felipe Sade. Felipe Sade, oui, je l'ai aussi vu dans cette liste. Oui, oui, évidemment. Felipe Sade, il est 14ème. Yes, pour le sans faute au bout de 4 kilos. J'ai le joueur, je le visualise, mais j'ai pas le nom. Mais si, tu devrais. Mais si, tu l'as. Non, j'ai... Pense Racing. Mais non, mais justement, je pense Julian en plus, tu vois. En plus. C'est un de ses joueurs préférés. Mais je sais plus comment il s'appelle. Je vais ouais, garder ça. Moi, de qui tu bah parles. Oui, je te le donne. Monsieur Donne. Alors, un joueur, c'est facile. Petro... Non, putain, comment il s'appelle ? Sikimic, le fameux Sikimic. Qui est Petrovic, devant. Donc, au bout de 4 tours, nous avons... Monsieur Foot, Roulian, Gigas avec 4 bonnes réponses. C'est pas 100 fois. 12 joueurs déjà trouvés. Pas mal. 12 joueurs sont. Ouais. Difficilement être mieux, donc pas mal. Pas mal. Monsieur Foot. Je suis dans la mousse, là. J'ai un trou. Je vais dire. Cels, mais j'y crois mieux. Tellement pas. Cels, si. Cels, 23ème. Il est 23ème. Il y a quel âge, Matt Cels, alors ? Il avait quel âge quand il a quitté la Racing ? Alors ça, je ne l'ai pas noté, mais je vais te le retrouver. D'accord. Non, moi. Si. C'est vrai que je le voyais plus jeune. Moi j'aurais dit Karine Le Marchand. Exactement. C'est pas Karine son prénom. Exactement, il est 15ème. Elle est 15ème. Hein. Alors je suis toujours sur. J'ai toujours pas trouvé le. J'ai envie de dire Julien Courbet, mais c'est pas ça. Tu peux essayer. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il soit dedans. Je suis pas sûr qu'il soit. Je suis pas sûr. Mais je vais dire. Il avait l'air plus vieux parce qu'il avançait pas sur le terrain, mais. Putain, et j'ai un joueur là, en visuel. Et je vais devoir en trouver un autre. Parce que je. Lui, c'était pas la construction. Voilà. C'est le track. Ouais, la pression. Yes. Yeah. je crois que je vais devoir. Je suis confus là. T'es confus. Je passe mon tour. C'est vrai que ça va être 31 ans, 11 mois et 2 jours. Je passe mon tour pour me revenir et je vais crier le nom du joueur dès que. Monsieur Foot. Donc au bout de 5 tours, 5 points pour Roulian et Monsieur Foot. Et 4 pour. Et 4 pour Ligues. Et 0 pour moi. Mitrovic, ça a déjà été dit. Mitrovic, non, ça n'a pas été dit. Ah non ! 6ème Mitrovic. Je cherchais son nom, mais je voulais dire Petrovic depuis le début et c'est pas. Ah ouais. Alors moi je reste sur les défenseurs centraux d'expérience. C'est Mitrovic, ouais. Mitrovic en plus là. C'est Lamy Mincone. Rappelez-vous. Anime, la mimine, et il met la main. C'est la juste, mime. C'est très juste, c'est 22ème. À moins que j'ai interverti les deux connés, mais je crois pas. Ligueuf pour l'honneur, parce qu'ils sont déjà à 6 points. Bah ouais, non, mais là je suis là. Putain, je il est toujours pas le joueur. Il est bosnien, bordel de merde. Ah non, mais c'est pas lui à qui je pensais. Ah pardon. Mais je crois qu'il avait 30 ans dessus. Bah je sais pas. Bah je tente Sajin Non, il est pas dedans. C'est pas lui, il est pas dedans. Pas dedans. Mec de Dijon là. Mais il avait quel âge? Moins de 30 ans. Il est parti là. Monsieur Foot et Roulian, mort subite. Le premier qui marque. J'en ai un seul, c'est Bonnefoy. Je pense qu'il était vieux comme nous. Landry Bonnefoy. Bonnefoy, il est 11ème. Roulian, pour pas perdre. Pour ne pas perdre. Pour égaliser. Je sais pas. Ton joueur préféré de Dijon. Il reste le deuxième, il était milieu de terrain offensif là, putain de carrière. J'ai pas son nom là. Il est dedans. Tu détestais, rappelle-toi. Oui, je vois tout à fait le joueur. Il avait marqué un doublé en Coupe de France avant. Mais putain. Non mais j'en ai un autre. On est trop con. Boutaille. Il était vieux. Boutaille. 33ème. Très. Gamero. Gamero. Oh oui, on l'a pas dit Gamero. Oh, putain, Gamero. Mais oui, Gamero. 37 ans et 3 jours, hein, Gamero. Roulian, voilà. ça revient très vite. Allez, laisse-la voir, Roulian, sois sympa, laisse-la. Peux-tu te rappeler de lui? Éric Marester. J'ai écrit très mal. Non, Éric Marester. Éric Marester. 21ème, très juste. C'est bon, il est dedans, ton joueur. Monsieur Foot. Putain, mais oui, qu'il est dedans, je vois tout à fait de qui tu parles. Quoique, j'hésite entre deux. Bah, je sais pas. Non, il est dedans. Monsieur Foot. David Lady, mais c'est pas bon. Non, c'est super. Roulian pour la victoire. Non, pour la victoire. Comment la victoire? Il manque le 3ème, le 8ème, le 9ème. T'es sûr de ton calcul là? Ouais. La victoire? Ah non, c'est dur. Ah oui, t'as commencé avant. Putain, c'est dur. Comment il s'appelle ce con là? Putain, il était à Saint-Etienne, à Dijon. Il était nul. Ah oui! Il était opticien! Non, il avait un diplôme! Oui! Il avait un diplôme! Il s'écrit pas pareil! Hein? Non, faut pas l'aider! Je vais gagner une fois dans ma vie! Tu passes ton tour, ça retombe! Non, je passe pas mon tour, j'en ai un! Il a rien dit! Mais je suis pas sûr qu'il a 30 ans, mais je dirais Lionel Caro! Mais c'est une très très bonne réponse, victoire! Sartre-Union, Lionel Caro! J'en ai deux, tu vois! Bah donne-moi le nom de joueur. Cornier. J'ai cherché toute la partie. Benjamin. Allez, je renonce, je laisse la victoire. J'ai gagné deux coups. Je me prends un verre de rosé là pour ça. Alors là, ça se fait. Il est mérité. Ah ouais, non, mais ça c'était. Marista, on l'avait dit, non? Les gardiens, là, vous avez gardé, vous n'avez pas été très bon. Les gardiens, on n'a pas été bon. Blondel, 3ème. Ah ben putain. Blondel, qui a pas beaucoup joué. Gauclin, bien sûr. Granic, je pensais que tu pensais à Granic, 13ème. Granic, il était vraiment très mauvais. Le 34ème, Vignama. À son doublé de tête. Contre Boulogne, allez. Oui, je vois bien. Noguera. Ah, Vince. Notre entraîneur des féminines. Majidouaris, comment oublier Majidouaris, 29ème. Il était si vieux que ça, j'aurais pas dit. Ouais, Chrétien, ouais. Michael Chrétien, qui a joué 6 mois en national quand on finit 4ème. CK, Ernest CK. CK, je l'avais, je l'ai pas noté. Pas discuté. Le capitaine en CFA2, Goliard. J'ai pensé à Goliard, mais. Et l'illustre compère en CFA2, qui a joué au Racing en 2000, quelque chose. Jacques Moma. C'est parce que j'ai lu les réponses. Et il manquait Granit qui manquait du coup. 8ème, Guignoli. Guignori. Vincent Guignori, oui. Vincent Guignori. Oh, putain, ouais. 9e, il y avait Noro. Oui, Noro, Noro, c'est une faute de tout. Si t'as, si t'as Sikimich, t'as forcément Noro. Mais oui. Bah, et alors, peur, hein. Et j'avoue, il y a un jeu. Nundu Kinding. Est-ce que vous vous rappelez de ce joueur? Il a joué, je crois, un match en CFA 2. Ouais, ouais. Ah, bon, là c'était le mec qui sortait ça, c'était. Ouais, je pense qu'Ator le sortait pas. C'était la triche. Alors, je pense qu'on va finir là, parce qu'il y a quand même un petit peu de temps. On va finir par une question Minitel que vous n'avez peut-être pas notée. Mais c'est Rose 3 qui nous demandait si ce quiz était aussi bien que la finale de Roland Garros de cette année. Ah. Ah. Ah. Moi, je pense que oui. Parce que je l'ai gagné. La finale de Roland Garros. Évidemment. Voilà. Et ben sur ce beau quiz, on se quitte et on revient pour la saison 18 l'année prochaine. Passez un bon été. Pensez à la crème solaire. Hydratez-vous et allez. S'il doit y avoir une équipe professionnelle en Alsace, on sait bien que ça ne peut pas être une autre équipe que le Racing.